assemblage anti-pétrole aujourd'hui. Grosse pointe d'adresse, notre potluck annuel présenté par Assemblage Requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ah, yeah! Enfin, c'est notre émission qu'on attend depuis des semaines et des semaines. Ça fait vraiment des semaines qu'on se prépare, en fait, qu'on invite plein de monde à venir nous rejoindre durant l'émission. Donc, automatiquement, il va y avoir beaucoup de monde en studio. Ça va être assez excitant. On a organisé le studio pour ça. On a sorti les chaises, les divans, le micro de foule. D'ailleurs, on va écouter la foule en ce moment. Wow. C'est ça. Donc, l'émission ne fait que commencer. Ils vont s'en venir plus tard. Évidemment, on a plein de gens qui sont prévus. David Ferron est déjà avec nous en studio. Bonjour, David. Ben, bonjour, vous deux. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es aussi excité que nous? Oui. Pour cette grosse émission, tu nous as préparé quelque chose qui est un dessert, je crois. Je peux au moins juste suggérer un petit mot, le mot dessert. Oui. Mais c'est tout. Exactement. Ça veut dire qu'on doit attendre à la fin de l'émission. Ouais. Est-ce que tu veux aussi tester tes compétences à aller voir la foule? Parce que tu vas être le gars sur le terrain un peu à la Claudia et Bachère. On va donc se rendre avec toi en studio pour aller rejoindre notre ami Denis Baudin. Bonjour, bonjour David, comment vas-tu? Ben bien, toi Denis, donc on est avec Denis Baudin qui est animateur de Très Blows Assez Fou sur nos ondes ici. Et c'est le premier invité, Denis. Donc Denis, est-ce que tu peux nous donner un indice? Un indice. C'est ce que t'as amené. Oui. Quelque chose qui se boit et qui est très bon le matin. Oh! Du café Belize? J'ai oublié le Belize. Oh! Mais là, on a quelqu'un d'autre qui est arrivé, oui. Un autre invité. Il est tout juste d'arriver. Ben oui. Ça a l'air d'être très matinal pour lui. Il a l'air de vraiment vouloir parler à cette heure-là. Bonjour. Ouais, hein? Invité spécial, qui êtes-vous? L'invité spécial, Martin Lambert. Hey! Oh! C'est celui qui vient tout le temps en studio nous dire bonjour, mais qui parle jamais en ondes. Salut, Martin. Ça va? Bon matin, oui, vous autres, ça va bien? On t'a jamais vu avec les yeux aussi petits. Ouais, c'est ça. Ça se compte en minutes. Tu nous as amené quelque chose aussi que tu as mis sur la belle table que les gens vont pouvoir aller voir, oui. Sur assemblagerequis.com, sur la page Facebook. David s'occupe aussi des photos et des vidéos. Je vais faire un burn-out à la fin de l'émission. Une chance que tu es là, tu es notre gars des réseaux sociaux. C'est ça, exactement. C'est toi qui pitches tout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur le grand écran magique là, que tu peux scroller dessus, puis on voit tes onglets de porn d'habitude. Là, pareil comme sur RDS, qui font tout le temps pareil, ça. Pareil. Même chose. Bref, avant de commencer, pendant que tout le monde se serre la main dans ce début d'émission, on va écouter notre première capsule d'Alfalfa. Tout le long de l'émission, on va avoir notre lutin spécial qui nous parle de jeux de société. Donc, on commence avec lui, puis après ça, on vient avec la première dégustation. Oh, enfin, déjà, on a... Oui. Vous êtes dans le potluck d'une grosse pointe en dresse à Assemblage Requis. Hey, bonjour. Moi, je m'appelle Alfalfa. Je suis un lutin du Père Noël. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler de jeux qu'on pourrait faire ensemble et en famille dans le temps des fêtes. Un jeu que je vous présente, que j'adore beaucoup, et c'est Passe-moi un sapin. Le concept est assez simple. Et tous les invités de la fête, à leur arrivée, prennent un sapin dans la boîte. Sur ce sapin est écrit trois mots qu'on doit faire dire à un autre membre de la fête. Il ne doit pas être assis à la table, c'est pas un jeu qui doit être assis, c'est un jeu qui se fait au cours de la soirée, qui peut se faire avec un, deux, trois verres de vin. Oups, j'aurais pas dû dire ça. OK. Donc là, il prend sa carte. Et exemple, sur ma carte, c'est écrit les étoiles. Vous savez, les étoiles, ça peut être dans le ciel, sur un autel ou même dans les yeux d'une demoiselle. OK. Et là, vous dites à un ami, « Ah, c'est beau ce que t'as dans les yeux. » Elle répond, « Mes étoiles? » Puisqu'elle a dit le mot étoile, vous lui donnez votre sapin. Oh là là. Et si elle n'est pas capable de faire dire le mot étoile à une autre personne, elle devra le garder jusqu'à la fin de la soirée. Cependant, ce qui est drôle, c'est que vous pouvez recevoir des sapins des autres joueurs. Ce qui fait que vous pouvez avoir 10, 11, peut-être 12 sapins dans vos mains. Et là, c'est difficile de s'en débarrasser. Il faut être toujours à l'affût des mots dits par les autres. Et ça doit être nous qui force les autres à les dire. Si c'est mon frère qui fait dire à ma mère le mot étoile, ça ne compte pas. Et là, la personne qui a le plus de sapins à la fin de la soirée se mérite une conséquence. Et soit vous les prenez dans le jeu, soit vous les faites maison. Je te donne un exemple. Le petit lutin Neige a fait une danse d'Elvis avec un balai la semaine passée. Il est en vente dans plusieurs magasins de la région ou sinon vous pourrez trouver sur plusieurs sites web de jeux. Il sera très, très, très, très le fun et il sera enrichir votre soirée des fêtes. On se revoit pour une prochaine fois. C'était Alfalfa du Pôle Nord. C'était Alfalfa. Merci, Alfalfa. On l'aime, Alfalfa. On l'aime tellement qu'on l'a 5 fois dans l'émission aujourd'hui. Exactement. 3 chroniques qu'on a déjà diffusées. Oui, et 2 nouvelles chroniques qui vont être diffusées pour la première fois plus tard dans notre potluck. Maintenant, on a Denis Baudin. Salut Denis! Salut l'équipe! Ça va toujours? Très bien! T'es passé du divan magique à notre table pour inviter notre table principale. Le prochain coup, c'est en bas, là. Ouais, oui, c'est ça, exactement, par la fenêtre. La fenêtre n'a pas de screen en passant si quelqu'un veut se sauver. Là. Ouais, c'est ça. Vous avez encore le temps pour vous sauver. Si vous trouvez que c'est une mauvaise date, là. Si quelqu'un tient la porte, on est pris ici en studio. Exactement. Il y a un légendaire film comme ça où on tient l'animateur en studio. Ouais. Et 1000 sitcoms aussi où ils s'enferment sans faire exprès dans un locker ou quelque chose comme ça. Oui, ils font tout le temps ça. Ben ils se rappellent les souvenirs des épisodes précédents. C'est tellement beau. Ah, wow. En plus, on a Véronique Mire qui vient d'arriver, donc elle va pénétrer dans notre public. On va pouvoir entendre bientôt les gens applaudir. Ça va être super le fun. Denis, ouais. Bravo. Bravo. Denis, tu nous as apporté aujourd'hui, un produit, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu nous as apporté pour nous faire déguster ça ce matin? Du merveilleux café. Il n'y a rien comme le café. L'essentiel d'une émission du matin. Le café, là, parmi nos 3 critères, pour ceux qui n'écoutent pas souvent, une grosse pointe d'adresse à Assemblage Requis. Merci, Martin, pour le café, la dégustation. Donc, pour ceux qui n'écoutent pas trop souvent, on a 3 règles d'or dans une grosse pointe d'adresse. Il faut que ce soit malsain ou de la malbouffe. Mm-hmm. Quelque chose qui est facile à acheter ou à faire soi-même. Mm-hmm. Et c'est quoi le troisième? Faut pas qu'on ait déjà goûté à ça. Fait que jamais bu de café de ma vie, moi. Toi, t'as malsain parce que... Non, mais t'as malsain, c'est du McDonald's. Ben oui, c'est du café McDo. C'est ça? Hein? Effectivement. Bon, et en plus, c'est facile à s'acheter. Écoute, on a 2 critères, on est correct. T'as suivi 2 critères sans le savoir. Ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai demandé du café pour 10 personnes, puis à l'intérieur de 2 minutes, j'en avais. Fait que je sais pas depuis combien de temps il est fait. Bon, ben, du café passé date de McDonald's, on a jamais goûté ça. C'est encore plus malsain. Fait que t'as peut-être les 3 critères, on sait pas. OK. Est-ce qu'on commence tout de suite avec ça? Je pense que c'est bon de commencer l'émission avec une gorgée de café. Ben, je pense que oui, on va y aller. Allons-y. Alors, est-ce qu'on respire? Attends, on respire avant. Moi, je tiens à dire que j'ai mis, parce qu'on a des petits cadeaux de notre directeur général. Il nous a donné des cannes de bonbons pour l'équipe aujourd'hui. Alors, j'ai incorporé à mon café une canne de bonbons. Ah, j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais c'est pas grave. Est-ce que l'odeur est bonne? Bon? Oui, oui. Ça... Ah, l'odeur est très bonne. Ça sent le café, hein? Ça sent le café, ouais. Ça sent la merveille du monde. On y goûte. Ah, c'est merveilleux qu'une canne de bonbons dedans, messieurs. Ouais. Ça donne un petit goût. J'aime ça. Puis en plus, ça fait un café cannelé. C'est ça, exactement. Cannelé. C'est beau. Il y a même une petite carte. Je pense que les gens qui achètent beaucoup de café chez cette compagnie-là, McDonald's, ben, je sais pas si les gens vont acheter du café chez McDonald's. J'ai aucune. Nous allons récupérer tous les petites étiquettes à la fin. Ben oui, parce que 7. On va les vendre. 7 petites cartes, 7 petits poinçons, puis t'as un café gratuit. Ouais. Ben oui. Mais ça, ce McDonald's-là, on retrouve ça où, mettons? Les McDo? Ouais. Un peu partout dans la ville. Un peu partout. Celui-là vient du bas du cap. Oh, wow. Ils ont ça tu devrais connaître McDo, c'est toi qui nous dis que c'est fou joue, là, parfois. Si ça joue présentement au McDo, on salue toute l'équipe du McDo. Ne fais pas le gag, là. Ça vient du hood. Est-ce qu'ils offrent d'autres produits chez McDonald's, là? Oui, c'est plein de produits très sains dans la lignée du potluck. C'est ça, dans la lignée, une grosse pointe d'adresse. Des pâtés à la viande, hein? Des pâtés à la viande, et effectivement, en tranches de pain. OK. Un quart de livre de pâte à la viande. Un quart de livre de pâte à la viande avec des concombres. Y a-t-il une petite sauce spéciale, quelque chose? Genre, une petite sauce dont on ne connaît pas le secret et dont on ne veut pas connaître. C'est surtout ça. Merci pour le café, c'est super cool. C'est vraiment très apprécié, merci. Vraiment, délicieux. Et je vais essayer avec la canne de bonbons tantôt, je vous en reparle. Hein? Je tiens à dire que Véronique, elle a un gilet qui illumine un matin. Oui, justement. C'est vraiment génial. David Ferron est en public en ce moment. David, bonjour à toi. Ben bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi tout le monde parce que évidemment, on va interagir avec les invités tout le long de l'émission. Et là, il y a une nouvelle personne, en fait une chroniqueuse qu'on appelle Véronique Sionnaire. Oui, exactement. Véronique Mire. Bonjour Véronique. Hey, salut tout le monde. Allô Véronique. C'est le fun de t'avoir. Et non seulement Véronique a une surprise au niveau de l'alimentation, mais au niveau vestimentaire aussi. OK. Ouais, moi, ma surprise qu'on va pouvoir déguster tantôt, on la voit parfois dans Shrek. Dans Shrek, c'est vert. Dans Shrek, c'est vert. sais pas. Qu'est-ce que... La mort. On voit ça dans Shrek, non? La bouffe verte. La bouffe verte. L'âne doit faire caca. Un âne. C'est... On a Eddie Murphy. On n'a pas de dinde aujourd'hui, on a un âne. Mais non, décris-nous le chandail de Véronique Mire, David. En fait, j'ai laissé plutôt Véronique le faire parce que... c'est l'experte de la, du chandail, mais à moins qu'on fasse de des indices. David manque de mots. Oui, c'est oui. Ça. Il flash ton chandail. Oui. Et d'ailleurs, il s'entend. Oh, il oh. S'entend. Mais oui, il y a des grelots aussi après. Ah, c'est même pas les grelots du fond, c'est les, vraiment les grelots de Véronique. Ah, moi, je veux savoir quel le prix, ça, j'en veux. Ben hein. Oui. Collection personnelle. Il vient parce que c'est un cadeau du Père Noël. Ah, ah évidemment. Reçu. Est-ce qu'il est à batterie? Parce que est-ce là, t'as oui, des lumières qui flashent. Il est à batterie, puis il y a des, plusieurs batteries de recharge. Est-ce qu'il est à louer? Heureusement. Est-ce qu'il est à louer, le moment donné? Oui, il est à louer, non. J'ai l'impression que j'en vais chaud là-dedans, par exemple. Parce que oui. Ah, ça doit. À suivre. Mais on adore ça, c'est vraiment beau. On devrait prendre une photo. On va vous la poster sur les réseaux sociaux. David est là pour ça. C'est ça, exact. David, c'est notre homme aux réseaux sociaux aujourd'hui. La photo est déjà prise et maintenant, on va juste savoir comment Martin va dans, ah oui. Dans ses yeux. Dans ses yeux. Ça décolle tranquillement. Ça décolle tranquillement. Martin est venu mettre de la canne de bonbon dans mon café. Merci, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as vu la différence dans le café? Ouais. J'en ai pas pris encore. Pas encore pris de canne de bonbon. C'est ça. Ça prend du temps, ça. C'est une trop grosse dose de sucre en premier lieu. Donc, Denis, merci encore une fois pour le café. Mais bienvenue. Je crois que tu restes pas super longtemps, toi. Ben non, moi, j'ai des obligations professionnelles. Ouais. Ça a l'air. On va t'inviter à passer dans le public pendant le temps que tu veux. Et puis, nous, pendant ce temps-là, on va écouter une pièce de Dolly Parton, Tania. Mais oui, avec Kenny Rogers. C'est Once Upon a Christmas. Wow! C'est tout de suite dans le potluck de grosse pointe en dresse à Assemblage Requiès. Thank you. Once Upon a Christmas, Dolly Parton et Kenny Rogers dans Assemblage requis spécial potluck. On s'attendait pas à entendre ça à Assemblage requis. Ben non, voyons, du tout. Mais merci beaucoup, Tania. En passant, Tania a fait 3 émissions spéciales de Noël qui vont rejouer pendant les fêtes. Oui. En route pour Noël. En route pour Noël. Tania Bowling! Exactement. C'est comme ça qu'on appelle ça, faut le dire avec l'accent. C'est ça, s'il n'y a pas d'accent, ça fonctionne pas. Toujours le potluck d'une grosse pointe en dresse à Assemblage requis, toujours avec Tania Bowling. Mm-hmm, et Mathieu Plante. Maintenant, on a accueilli tout plein de nouveaux, en fait, au moins une nouvelle personne en studio qui vient d'arriver, Frédéric Simon et David Ferron, et justement, en direct avec lui sur le terrain. Oui, Frédéric Simon, qui est très, très impliqué dans C'est fou, mais dans l'université aussi. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu trouves qu'il est de bonheur? Pas pire, hein? Il est relativement tôt, surtout c'était le party de la Luître hier soir. Oui, ben justement, on va en parler un petit peu. Non seulement t'es animateur assez fou, mais t'es aussi joueur d'improvisation. Oui, cette année, je suis seulement joueur à Louisville. Oui, dans la Lille. Dans la Lille, à Louisville. La Lille. Donc, mais oui, j'anime avec toi. Absolument, mon co-animateur chevronné, qui a le rhume en même temps que moi, il y a sûrement un lien. Ah, c'est... d'après moi, oui. Hein, c'est... mais on n'en dira pas plus. C'est ça. Ce qui se passe à la Luître, ça va rester là. C'est ça. T'es aussi co-animateur, participant à l'émission Matière Noire tous les mardis soirs. En effet. Et tu fais quoi dans cette émission-là? Tu passes de la musique? Oui, on passe de la musique rock-prog, où on s'amuse en discutant de musique un peu un petit underground. Cool. Bref, on va voir ton produit tantôt. Je t'ai vu arriver avec quelque chose. Je t'ai dit, cache ton produit le plus rapidement possible pour pas que les gens sache à l'avance qu'est-ce qu'on va goûter, mais merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Donc, il joint notre public grandissant à travers l'émission. Bien sûr, on est en début d'émission de bonne heure le matin en direct, donc les gens vont finir par arriver avec le temps. Mm-hmm. On a Véronique Muir qui s'en vient tantôt pour nous présenter son produit, mais là, je pense qu'en ce moment, comme elle n'est pas là, elle n'est pas là, hein? Là, elle est pas là? Non, là, elle est pas là. Est-ce qu'on demande... C'est moi! C'est toi? Oui, c'est toi! Allons-y, Tania. C'est à mon tour. Oui, quelque chose qui va avec le café, t'as dit. Oui, exactement. Quelque chose qui va avec le café, mais vous allez surtout retrouver aussi le goût du café, parce que Denis Bourdin de Très Blues Assez Fou a amené du café, on vient d'en parler. Oui, une petite chaîne nommée Ouais, exactement. Poulain. Je vous ai amené du café totalement différent. En fait, c'est Nescafé qui a sorti des cafés mocha en canne. Hein? Oui, pour vrai, c'est des canettes. Ouais, ça m'intéresse parce qu'on a goûté l'autre fois des Nescafé en poudre. Oui. C'était du café espresso avec une créma là, il y a quelques semaines. On a adoré ça. Exactement. Mais en canette, là, tu me subjugues. Donc là, on parle de 100 calories par canette, pas pire. On est quand même du côté malsain, c'est du café. Là. Ouais, c'est okay? ça. Bon, merci. justifie déjà ces critères. Là. On dit que c'est mieux de servir froid et bien agité aussi, fait que je vais shaker ça pour la cause. L'autre fois, on a fait l'erreur de shaker un kombucha. Là. Ouais, ça a tout... revolé sur Alex Marchand. On parle aussi de... C'est mieux que notre studio neuf. Oui, tout à fait. Mélange de grains de café arabica et robusta de qualité supérieure. Robusta. OK, oui. On dit aussi ingrédients, évidemment, de l'eau, du sucre, du lait écrémé en poudre, café instantané, okay. substance laitière modifiée, cacao, parce que c'est au mocha, colorant à café. Et je suis persuadée que ça va être très, très bon. C'est meilleur avant la date qui est écrite en dessous. On est correct. Good. Tu dis que c'est fait avec du café instantané, donc peut-être avec la même poudre que celle qu'on a bu l'autre fois, donc peut-être que ça va nous rappeler ce goût-là. Peut-être, c'est fort possible. Ça fait beaucoup penser aux canettes que Starbucks a déjà. Ouais. Mais on m'a demandé si c'était alcoolisé, ça ne l'est pas. Je suis désolée, j'y ai pas pensé. Les canettes sont mauves, ça fait festif. Oui, ça fait très festif. J'ai trouvé ça en magasin, en fait, j'ai trouvé ça au Walmart. Okay. Vraiment pas cher, 1,42 la canette. Wow. Puis on en a quand même 240 millilitres. J'imagine que c'est pas très très énergisant à part que c'est du café. Tu sais, calez-le pas en 3 secondes et demie. Moi, j'étais bien fan dans le temps que je faisais mon épicerie chez Maxi. Il y a des petites canettes de café de partout dans le monde. Ça avait comme il y avait plein de langues étrangères dessus. Mm-hmm. C'était vraiment le fun. Donc j'espère que ça va goûter ça, un petit café froid et très très crémeux. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je trouve ça dans le micro magique, oui, Mathieu? Oui, Caroline, une chance qu'on a ça. Ça va bien quand t'as des ongles. Elle s'est fait faire les ongles, tu vois. J'ai amené des petits verres à shooter pour tout le monde. Des petits verres rouges, là, comme au beer pong, mais minuscules. Bon, il n'y avait pas grand son là-dessus. On n'entend pas grand-chose, non. Mais quand même, on va distribuer comme le bon Père Noël le fait. Oui. David est tellement occupé à faire ses Facebook Live. Je sais, c'est Martin qui vient Martin. À ma rescousse. Ça sent très bon, par exemple. Ça sent beaucoup le chocolat. Je vous dirais que ça sent quasiment le quick. OK. Mais je vous donne les shooters. Puis si jamais les gens dans le public veulent tout simplement le mettre à l'intérieur de leur propre café, vous pouvez le faire aussi. Moi, vous avez le droit. Freestyle it. On est combien, là? À date, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. pas pire quand même. Pour 7h51 en direct. Oui, c'est très bon. C'est quand même pas pire, cette personne. On va être réveillés en tout cas dans 10 minutes, là, ça, je vous l'assure. Je suis encore sur le fond de mon... Oui, de café à canne de bonbon. David, sur le terrain? Oui, on va voir, parce que là, tout le monde a un shooter de café tel que présenté par Tania. Et mais livré par Martin, merci Martin. Oui, merci beaucoup. Donc, pour le café, est-ce que comment vous aimez votre café? Ah, c'est la question qui tue, ça. Oui, Véronique. Un lait, une crème, deux sucres. Un lait, une crème, deux sucres. OK, on y va, moitié-moitié, pas trop de gras. On y va avec le lait, on coupe, c'est bon. Et du côté de Frédéric? Pour moi, c'est le classique 2-2, donc deux crèmes, deux sucres. Oh, 2-2. Le traditionnel, il met ses... On a déjà équilibré ici. Ouais. Martin? 1-2. 1-2. 1-2. Mais l'ordre, en tant que un lait, toujours... deux sucres ou un sucre, deux laits? Deux crèmes, un sucarine. Sucarine, attention, on fait de la... On a déjà alternatif. Ouais. Et Denis... Denis est en train de boire son petit shooter déjà, là. Il va étouffer. Ils sont déjà tous en train de le boire. Pas de sucre. Pas de sucre, mais du donc lait. Donc avec du lait. Pas de sucre. Sans lait, pas de sucre. Wow. Fait que tu prends de la crème, finalement, Baudin. Je suis seul à prendre mon café noir ici, là. Je suis seul qui est pas raciste. Ben, moi aussi, je le prends noir. Good. En fait. On est les deux seuls qui le prenons noir. À chaque fois, les gens qui travaillent à la chasse-galerie pensent qu'on est fous de faire ça. Ben, puis ils nous laissent plein de place dans le verre à café. Ben, oui, hey, remplis-moi ça. OK, donc, David, ouais, t'as pas répondu? Ben... David, lui, il boit pas de café. Il faudrait pas, hein. Tellement énervé. Ben, en fait, j'aime ça mettre du lait au chocolat dedans. Donc, tu te fais automatiquement un mocha. Oui. Tu devrais être un très bon juge de ce que l'on va boire. Tiens, est-ce qu'on le sent pour commencer? Oui, allons-y. Ça sent le quick. Ça sent vraiment le quick. Ouais. Le Vico qu'on appelle des fois. Ça, c'était une marque. Tu sais, c'est comme appeler un frigidaire. Oui. On avale? On y va. Un shooter de beer pong au Nescafé. Ah, on goûte quand même le café. Oui. Ça goûte vraiment plus le café que le chocolat. Ça sent plus le chocolat que ça sent le café. C'est très... c'est très, très liquide. Il n'y a pas d'onctueux là-dedans. C'est ça, c'est pas grumeux non plus. Non. C'est bien shaké. C'est ça. C'est très, très filtré, là. On dirait que c'est vraiment comme du lait écrémé. Oui. On l'a dit tantôt. Donc, il n'y a pas trop de sensation de crème. J'aime ça parce que c'est pas trop agressant comme goût. Oui. Je sais pas pour les gens en public si on peut faire le tour, savoir comment qu'ils ont apprécié la chose. Oui, mais avant, on va vérifier parce que je vais faire ma job d'animateur de foule. Okay. On va voir comment les gens vont. Comment ça va, la foule? Ouais! Plus fort, vous n'êtes pas assez enthousiaste. Ouais! Oui, c'est Eric Salvay. Exactement. Ah, wow. Donc, on va recueillir les commentaires des gens par rapport au café offert par Tania. D'abord, Véronique. Ben merci, Tania, pour ça ce beau partage. Wow. Moi, j'ai bien aimé. Chocolaté, excellent. Ben, de mon côté, on dirait que j'ai plus goûté le chocolat que le café. C'était peut-être juste dans le mien. Mais... Peut-être. Écoute, peut-être. On cherche trop de café. On cherche ce qu'on veut, des fois, dans les produits. T'sais, si tu veux plus de chocolat, t'es un fan de chocolat, fait que t'as cherché le chocolat dedans. Si je venais de prendre une gorgée de café aussi. T'avais pas pris de café avant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fred n'a pas pris de café, lui, avant. C'est la différence. Donc, Martin. D'accord avec Fred, moi aussi, je trouvais que ça goûtait le chocolat, puis il manquait un soupçon de maroula. Oh! Hey! On me lance des pins ici, là. Ouais. Ta job n'est pas faite. Oh, la SAQ est fermée. Ah, c'est ça. La SAQ est fermée. C'est excellent. Il faut que je prenne pour elle. Ouais, merci. Il n'y a pas le choix. Merci, Tania. Donc, on rappelle, le produit, c'est le Nescafé quoi? Mocha? Nescafé Mocha. C'est en vente au Walmart de Trois-Rivières-Ouest, parce que je ne l'ai pas vu au Walmart au Cap. Ah! Ça arrive tout le temps en retard au Cap, hein? C'est ça, exactement. C'est comme la mode. C'est le BDC. T'as pas le choix. Le BDC, c'est le bas du Cap? Le bas du Cap, j'ai jamais entendu le BDC. Pas vrai? C'est le hood. Ah ouais. C'est là que les bums se tiennent. Malade. Donc, c'est super cool. Ça nous amène à notre deuxième capsule d'Alfalfa. Parce qu'il faut, il faut entendre les 5 aujourd'hui. On n'a jamais entendu les 4e et 5e. Donc, allons-y avec le 2e. C'est le jeu Double avec Alfalfa, notre lutin de Noël. Public, applaudissons tous ensemble. Bonjour. C'est Alfalfa du Royaume des Pères Noël. Je suis là pour encore donner des jeux. Hey, j'aime ça en donner des jeux. J'en fabrique toute la journée, saviez-vous? Eh oui. Et moi, j'ai un diplôme en confriserie. Ouais, je goûte des bonbons aussi, c'est vraiment bon. C'est peut-être ça qui me donne toute mon énergie. OK. Le jeu que j'arrive pour vous présenter aujourd'hui, il s'appelle Double. Et c'est un jeu très très facile qui peut se jouer même avec des petits amis lutins qui aient 5 ou 6 ans, mais un peu plus jeune que ça, par exemple, ça pourrait être difficile. C'est un jeu de rapidité et ça a été fait par des mathématiciens. Oh, ça c'est difficile à dire. OK. Et là, il y a plein de cartes, exactement 55 dans le jeu. C'est important. Parce que si on joue à 5, ça fait 11 cartes par ami. Oui, oui. Et là, on doit diviser les cartes égales. Première étape. Sur chaque carte, il y a plusieurs logos qui se retrouvent à coup sûr sur au moins une autre carte visible sur la table, puisque les mathématiciens ont créé un algorithme qui fait que les logos retrouvés sur les cartes se retrouvent, c'est sûr, sur au moins une autre carte présente. Donc, le but est de déposer ta carte au milieu, si tu trouves le logo qui est identique au tien. Je donne un exemple. Sur ma carte, il y a un bâton de hockey, une fleur de lys, un marteau, un drapeau du Canada. Sur la carte du milieu, il y a un bonnet, la barbe du Père Noël, une bière et un drapeau du Canada. Donc, nous avons le drapeau du Canada en commun. Le plus rapide qui trouve l'image dépose sa carte au milieu. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un ami n'ait plus de carte. Mais c'est un jeu de rapidité. Alors lorsque je dépose ma carte, il y a une nouvelle carte à regarder, puisque sur ma carte, il y a des nouveaux logos, ce qui ralentit les amis. Et là là, des fois ça va trop vite, on n'a même pas le temps de voir passer les logos. Oh. Attention! Ce jeu-là se joue de plusieurs façons et laisse place à interprétation. Oui, oui, interprétation. Je donne un exemple. Nous, à la fabrique, nous avons inventé une version avec de l'alcool. Et là, là, là, là, faites pas ça à la maison, hein? Et ça pourrait virer drôle, drôle. Oh, OK. Et il y a une autre façon d'y jouer qui est très intéressante. C'est tout à fait l'inverse. Vous prenez une seule carte et vous mettez toutes les autres au milieu. Et vous devez en trouver le plus possible. Donc, exemple, bâton de hockey, drapeau du Canada, barbe de Père Noël, et ainsi de suite, jusqu'à les amis, il n'y en a plus au milieu. Quand il n'y en a plus, la partie est terminée. Ce sont des courtes parties d'environ 5 à 10 minutes. Et on peut en faire plusieurs. Ça implique les grands-parents, les parents, les enfants, et même des fois le Père Noël. Il peut jouer, il a déjà fait une partie avec nous. Donc, c'était Alfalfa du royaume du Père Noël et on se voit pour une prochaine fois. Au revoir! Wow. C'est Alfalfa! Alfalfa. On l'aime tant, Alfalfa! On va le réentendre en janvier en passant. On a déjà appris qu'il veut absolument être le plus possible présent en 2017. Ouais, puis de toute façon, on sait qu'au Pôle Nord, il tombe sur le chômage en janvier, fait qu'il va être disponible pour venir nous voir. C'est ça, puis les règles du chômage disent qu'il faut que tu trouves quelque chose d'autre dans ton domaine. Exactement. Ça, c'est des chroniques radio, fait qu'il peut bien faire d'autres choses à la radio. On va le payer en café. C'est connexe, exactement. Donc, Alfalfa et ses chroniques sur les jeux de société, on appelle ça le Lutin Info Campus parce que ça remplace notre Info Campus pendant la période des fêtes. Vous allez entendre fréquemment à Assemblage Requis. On prend une petite pause au retour. Notre potluck continue. On a encore plein de monde en studio. Mm-hmm. Et justement, notre public va nous envoyer à la pause. Merci, public! Ouais! Oui! Yeah! Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1 Bonjour toujours à une grosse pointe en dresse! Ah, oui! Yeah! Oui! En haut, en bas de la tête, clap, clap, clap! Toujours en studio avec Talia Bola. et Mathieu Plante. Oui, toujours avec notre public en studio aussi composé en ce moment. Qui est en délire. Oui, en délire. Denis Baudin, Martin Lambert, Frédéric Simon, Véronique Mire, David Ferron est notre correspondant sur le terrain. Ça va toujours, David? Oui, exactement. C'est plate qu'il n'y ait pas un fond de guerre juste pour dire que je suis sur le terrain. C'est ça. En direct de Mossoul, c'est quoi? Oui, exactement. Et présentement, je suis sur le terrain avec des gens assis sur des rochers. Mais ils sont heureux quand même. Et pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils ont plein de... Nourriture, drink. Parce qu'à date, on n'a pas encore mangé. Wow. Parce que l'UNICEF est passé dans nos studios. Ah non, j'ai tout, en disant studio, j'ai tout raté. C'est pas l'Halloween, c'est Noël, David. Ah, si t'es trop actif pendant l'émission, on va essayer de les mines antipersonnelles. Oui, c'est ça. Pouf! On va faire exploser, David. J'espère que personne n'a empoisonné aucun des mets aujourd'hui, parce que ça pourrait donner quelque chose, là. Il pourrait y avoir un mort. On pourrait faire un meurtre émissaire avec ça. Yeah, boy. Peut-être pas. Bref, maintenant, on passe... En fait, j'ai sondé le public pour voir qui était plus pressé que d'autres pour venir parler. Personne n'est pressé, donc je pense que ceux qui sont plus excités, on va les faire attendre plus longtemps. Hein, Véronique? Qu'est-ce qui pourrait bien enchaîner? J'ai aucune idée. À date, ce qu'on a mangé, qui pense avoir quelque chose qui pourrait fitter après ça? Qui pourrait avoir un certain sens après ce qu'on vient de boire? Il y a mettons, beaucoup de choses, ça, on le fait à la main, là. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose qui fit plus? Non? Personne? Personne. Véronique, ouais, bon, ouais. D'accord, tu vois. Denis Baudin qui nous quitte, mais merci, on peut te prendre ton message d'au revoir à l'extérieur du vestiaire. On mélange les analogies. Ouais, c'est ça. Directement du vestiaire. Ouais, c'est ça. Il s'habille, vous entendez. Littéralement. Alors, passez tous les auditeurs de l'assemblage requis, passez des très belles fêtes et surtout, soyez prudents sur les routes. Ah, wow, c'est beau. Ah, c'est gentil. Et aussi, surtout, ne manquez pas le retour de Très Blues Assez Fou les jeudis à 19h à partir du 12 janvier. 3 heures de blues, le blues d'hier ou blues aujourd'hui. Mais pas de celui de demain? Ah, oh, bon, on essaie aussi, mon okay. Trou, oui. Non, mais là, il faut être conséquent, hein? Ben oui, hier, pas choix. Demain. Merci, Denis, d'être passé. Merci tout le monde. Salut tout le monde. Yeah. Salut l'équipe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Maintenant! Merci! Ils sont tellement encourageants, c'est vraiment, vrai. On leur a donné beaucoup trop de café. C'est ça. Deux produits de café en même temps. Véronique Mire qui vient d'arriver en studio sur la chaise principale. Bonjour à toi. Ouais, salut! Est-ce qu'elle est confortable, la chaise? Ben, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en studio quand même. Oui, j'étais tellement énervée d'être ici ce matin, là, vraiment. Oui, ben ça paraît avec ton chandail qui flash les Moi, j'adore le gilet, sérieux. C'est un renne du Père Noël avec des lumières qui flashent autour. Allez voir sur la page Facebook d'Assemblage Requis pour voir de quoi ça a l'air. Bref, Véronique Mire, tu nous as présenté le Véronictionnaire à travers les années, on and off. Des fois, t'es là, des fois, t'es pas là, mais on est tout le temps heureux de te reprendre aussi. Ben, puis on a réussi à passer à travers. Oui, ouais, ça, c'est au complet. Ouais, donc, tu vas reprendre une nouvelle chronique dans les prochains mois, j'espère. Oui, probablement que oui. T'as un petit concept déjà? Je te réserve une surprise. J'ai hâte. Tu nous as apporté quelque chose ce matin pour goûter dans notre potluck d'une grosse pointe en dresse. Je vois l'emballage d'aluminium. Est-ce que t'as ouvert ça sans l'aide du micro magique? C'est ce qu'elle a fait. Non. Attends, je peux le remballer. S'il te plaît. Bon. Ça va pas bien. Mais je vous avais quand même donné un indice un peu plus tôt. Vous souvenez-vous de mon indice? Ça, on en voit dans Shrek. Oui, Shrek, c'est vrai. On en voit dans Shrek. Moi, je disais que ça allait peut-être être vert ou quelque chose. Mais... Un dans Shrek. On en voit un dans Shrek. Est-ce que c'est du bonhomme au pas d'épices? Non. On voit ça dans Shrek? Est-ce que par hasard, Mathieu Plante aurait trouvé du premier coup l'aide? Ah, ben, excuse-moi, mais pour vrai, j'aurais jamais pensé que ma première réponse allait être là. Ben, ouais, je pensais que c'était l'âne, vraiment, la réponse. Oui, l'âne. Moi j'ai dit Eddie Murphy tantôt. Oui, c'est vrai. T'sais? Ben, j'ai testé, mais c'était un peu poilu sur le bout de la langue. Ah, ouais, c'est ça, OK. Le pire, c'est que je suis même pas sûr qu'il y avait des pains d'épices dans ce film-là. Moi, j'ai pensé. C'est mangé à un moment donné, je pense. C'est le petit biscuit. David sur le terrain? Oui, j'ai pensé que c'était par rapport au chapoté, moi. Ah, oh. Ça aurait pu être un chat sur une broche. Un brownie au pote. Ah, oui. Aïe. Tellement. On fait pas ça en onde. Non. Donc, j'ai... C'est une belle trouvaille que j'ai faite récemment. Alors, c'est une édition limitée de chocolat qui est sortie exclusivement pour le temps des fêtes. Alors, je me suis dit, waouh, hein? Puis, vous savez comment j'aime Noël. Oui. Donc, j'étais très énervée. C'est du chocolat au biscuit en pain d'épices. Oh, wow! Tablette de chocolat à saveur de pain d'épices, c'est les chocolats Heidi. Heidi? Hey, comme la petite porpheline, c'est qui, Heidi? Il n'y a pas une Heidi qui... C'est Aurore, ça. Non, c'est l'enfant Martin, c'est n'importe quoi. Tu parles de qui, là, Mathieu? Heidi? Oh! Heidi-ho! Chocolat suisse. Oui. Donc, hein, on se trompe pas tant. Ils ont même mis un petit bonhomme de pain d'épices. Oui, c'est tellement beau. Ah, tu parles du roman puis de l'émission de d'Ilia Belle Lurette? Ouais, c'est ça, j'ai des références de vieux. Télé-Québec? À Télé-Québec? Peut-être. C'est une petite orpheline de 8 ans qui grandit chez son grand-père. J'avais raison, donc. T'avais raison. Merci. Ah, ils l'ont refait en HD. Oui. Wow. Ouais. Est-ce que c'est un ciné-cadeau? Ben, ça passe samedi à 8h si jamais tu veux voir, puis ça a l'air d'être dans le temps de Noël en plus. Mais je suis donc bien devin. Donc, samedi 8h à Télé-Québec, t'écouteras ça, Mathieu. Merci. Bref, Heidi Delight en plus, donc ça dit délicieux. Oui, Heidi Delight, gingerbread, c'est ça. Ah oui. Pour 3 carrés, nous avons 180 calories. Alors, c'est quand même pas si mal. Pas et super, ça peut contenir des noisettes, des amandes, des pistaches et peut-être du blé. Ah, c'est triste que Denis Bourdin soit parti parce qu'il a signé ses papiers d'assurance puis il est allergique aux amandes. Fait que c'est moi qui aurais hérité. Non! C'est comme ça. Ça rit dans le public. Ouais, c'est ça. Le micro est pas assez puissant pour le cibler Martin Lambert. Faudrait mettre le micro juste à côté de Martin Lambert. C'est pas vrai, il sait, j'ai dit tout le temps ça. J'essaie de voir si c'est quelque chose. T'es opportuniste. Oui, je sais. Faut mieux s'assumer. J'essayais de voir s'il y avait d'autres informations croustillantes sur l'emballage, mais non. Mais c'est traduit en plein de langues, donc c'est international. Ben oui, c'est ça. Oh, okay. Worldwide voilà. Phenomenon. C'est la première fois que j'entends parler du chocolat Heidi, ouais. Honnêtement. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais il y a un site internet. Oh. En tout cas, Heidi, attends un peu, j'ai vu ça tantôt, il me semble. www.heidi-chocolate.com. Ah. C'est bien ça. Et Heidi, c'est H-E-I-D-I. Et on oui. est prêt à l'ouvrir. On n'a pas le micro magique parce que c'est lui qui sert pour le micro de foule en ce moment. Ah. Donc, on va l'entendre dans ton micro okay. à toi. Fait que faut que je fasse extra de bruit. Exactement. Oh, on l'entend. L'aluminium. Oh. Casse la poule, attention. On entend très bien. C'est tout le temps dur à ouvrir ces affaires-là. Surtout l'aluminium, hein? Ouais. Il pense quoi, honnêtement? Que ça s'ouvre bien, ces affaires-là? Les Toblerone, c'est les pires à ouvrir, c'est trop fort. Ça, depuis qu'on a parlé de Toblerone dans une chronique de nouvelles l'autre fois, j'ai racheté des Toblerone, puis ça s'ouvre mal. Ah, oh, c'est quel bon. Beau son. Mmh. En passant, je suis allée faire un petit tour sur le site internet de ID Chocolate. Si jamais vous êtes des fervents amateurs de chocolat, ben vous pouvez travailler pour eux. Ça a l'air qu'ils cherchent des assistants. David, tu vas aller travailler chez ID Chocolat? Ben si, comme goûteur, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? N'importe quand, comme goûteur. Il y a vraiment une place sur le site internet où c'est pour les carrières. Donc, allez faire un tour. Et pour les carrières, pas comme des pierres à feu. Là. Non, pas de rush. Et il y a une superbe carte du monde en chocolat, oui, en chocolat. Sur le site aussi, d'ailleurs. Sur mon calendrier de l'Avent. Ouais. Dès l'ouverture du paquet, ça sent le pain d'épices. Là, en tout cas, moi, j'en ai eu plein le nez. Oh my God, ça sent le pain d'épices. Oh, j'ai hâte. Donc, c'est des gros carrés, très généreux. C'est des alors, immenses carrés. Quand ils disent 3 carrés, 180 calories. Je comprends pourquoi maintenant. On va manger quoi? Un, je pense. On ça va le smasher. C'est ça. Puis en passant, je dis les calories, là, c'est juste parce que ça, j'ai vu sur l'emballage, puis je m'en fous tellement. Là. Exactement. Puis dans la chronique, on mentionne le moins possible, puis tu sais, c'est bien en masse de le dire une fois comme ça. Donc, on se coupe ça comment? Est-ce qu'on partage? Ben oui, hein? Je peux... Mathieu, il a hâte, il se frotte les mains, là. Je coupe à travers l'emballage. C'est parfait. On te laisse y aller. 4. Ça a l'air à bien se diviser quand même. Quand même, hein? 6. On est combien, là? Il semble y avoir des morts. On est 7? On est 7. 7. 6 maintenant. 6. Ah, ben, on était 7. On est juste correct, 6. Donc, j'en ai 6. Il semble y avoir des morceaux. Biscuits, pain d'épices à l'intérieur. Je te dirais, peut-être en donner un petit peu à Tania qui vient de m'emporter, puis David va aller le porter au public pour le reste. Bonne idée. Super, oui. Pour qu'on parle pendant ce temps-là de ce chocolat Heidi Delight. Et oui. Tania va servir de ses petits shooters de Nescafé pour faire le service. Merci, Tania, d'ailleurs. Et sinon, ça fond. Je vais regarder, juste voir s'il y a quelque chose sur le dessus. Ah, il y a la petite fleur... de la compagnie de chocolat. Oui, leur logo est quand même cute. On voit pas de morceaux de noix ou rien. En tout cas, sur mon morceau, c'est assez plat. Il y a pas de grand boss. On dirait plus une genre de crème Oreo qui est au centre. Hein, mm-hmm. L'odeur, moi aussi, j'ai... On sent un petit peu le pain d'épices, on sent la cannelle, je pense, là-dedans. Oui, merci, Tania. Très plaisir. Donc, c'est vrai, ça semble être plus de la crème, peut-être de... C'est quoi déjà qu'on retrouve? De la mélasse? Ah, je l'avais pas vu, la mélasse. Mais ça, c'est... Mais... comme le glaçage. J'en ai fait une grosse batch en fait, semaine dimanche pour des amis et tout ça, là, de biscuits en pain d'épices décorés. Là. Mélange d'épices, d'après moi, il est dans la petite crème au milieu. Là. Ouais. On va goûter en premier avant de se rendre au public. Tout à fait. Goûtons. C'est excellent. Ça vient. J'aille pas ça. Ouais. C'est roumain comme chocolat. Roumain? Oui, exactement. Donc, ils sont en Roumanie. Ah oh, oui, roumain. Il est très crémeux, hein? Vraiment très crémeux. Il fond dans la bouche si tu le laisses à l'homme. C'est excellent. Très bon. Le goût de pain d'épices vient vraiment, franchement, de plus en plus prononcé. Absolument. Là. On le goûte, il va rester, je pense, pendant un petit bout de temps sur la langue. Donc, le café va goûter le pain d'épices. Bon, on va mettre ça là-dedans. Il va y avoir un melting pot dans le café. Je pense que tout peut se mélanger jusqu'à maintenant. Ben, je me disais, tu sais, café et pain d'épices, ça fait un beau mélange quand même. T'as donc, très bien deviné. On va aller voir David Ferron sur le terrain pour demander l'avis du public. David? Oui, alors, qu'est-ce que Frédéric et Martin en ont pensé de ce merveilleux morceau de chocolat fourni par Véronique? C'était excellent. C'est vrai que ça goûtait le pain d'épices, mais ça me rapproche de ma grand-mère quand elle faisait des... Mais pas trop proche. Non, parce qu'elle est décédée, donc on est dans... Non, mais honnêtement, c'est excellent, c'est bon. C'est la nostalgie du temps des fêtes. Très bon. Comme il était mentionné, en fait, le goût vraiment plus prononcé à la fin. Il reste au début, seulement, c'est bon d'avoir. Un goût un peu plus crémeux au début, puis après ça, c'est le pain d'épices qui embarque. Puis, c'est très bon. Ouais. Excellent. David, toi, est-ce que t'as goûté? Oui. Puis? C'est excellent. Sérieusement, faut que Véronique cache sa palette de toute urgence. Faut savoir, avec David, quand on est des restants d'une grosse pointe en adresse, il le demande, mais tu sais, comme à peine. Genre, je peux-tu? Il est en train de le manger. Je peux-tu en prendre? Bon, au moins, je peux aller, je le demande. C'est ça, par là. Au moins. Mais non, on a... On la partagera, David, on la partagera. Oui, on a une entrevue d'entrée parce que Alex Marchand vient d'arriver. Bonjour, monsieur le président de la GQTR, ça va bien? Ben oui, très bien, vous-même. Oui, merci beaucoup. Alors, Alex, est-ce que tu as pu nous apporter quelque chose de succulent? Parce que Véronique a mis la barre très haute. Oui, ça va être punch, bien sûr. Ben oui, est-ce qu'il faut tout de suite que je vende le punch de qu'est-ce que j'apporte? Non. Okay, c'est un indice. OK, un indice friture. On n'en a pas encore entendu parler de ça. Je pense qu'on n'a jamais eu de friture. On n'a même pas eu d'avant-goût de ce que Fred a amené. Ah, oh, c'est vrai, Fred. On n'y a pas demandé. C'est dans un sac. C'est bon. Est-ce que le sac est comestible? Non. OK. Je demanderais bien à Martin de donner un avant-goût de ce qu'il a apporté, mais apparemment que toute l'université au complet le sait parce que je l'ai dit en ronde hier. Exactement. Mais donne-nous un indice, Martin. Ça volait. Ça volait. Ceux qui savent ce que c'est trouvent ça très... Ça a amené de la perdrix. C'est pas des restants de Lino Zambito, j'espère. Ah, franchement. Non, pas du tout, pas du tout. Les commentaires politiques de David, c'était incroyable. C'était la joke cannibale présentée par CFOU89FM. Merci, David, sur le terrain. Ah, extraordinaire de l'avoir. L'émission va super bien jusqu'à maintenant. Pour vrai, le public est en furie, je pense. Ils sont en délire, vraiment. C'est une dose de caféine. Bravo. Oh oui, oh que oui, oh. Merci. C'est drôle parce qu'Alex a exactement le même visage que hier, mais hier il revenait du Frosty. Oui. Il s'est passé quoi hier? Je reviens du Cameroun. Ok, c'est ça. Mais virtuellement parlant, t'étais à un party camerounais hier soir. Oui, exactement. J'ai découvert plein de mets délicieux du Cameroun. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. J'ai fait une petite pointe en dresse en avance. Ah, c'est ça, finalement, une année reste d'hier. Ah, peut-être. J'ai fait cuire un cambodgien, on sait quoi. Puis année reste de ce qui restait au party. Avant de continuer avec nos autres invités qui vont prendre place autour de la table, vraiment merci Véronique Mire d'être passée. Ça fait plaisir. Et on souhaite que tu restes le plus possible à l'émission. Nous, on va l'entendre la troisième partie de notre lutte Info Campus. C'est Alpha Alpha qui nous présente des jeux de société parce que quand même, on est en gang. Fait que c'est le fun d'être en société. Ben oui, tout à fait. Yeah! Alpha Alpha! Bonjour, c'est Alpha Alpha du Royaume du Père Noël. Je suis aujourd'hui à cette chronique pour vous parler de jeux. Et le jeu que je vous présente, c'est Carcassonne d'hiver. Carcassonne a déjà un grand éventail de jeux avec plusieurs extensions, mais cette année, il nous arrive avec une invention et une thématique pour Noël. Carcassonne est un jeu pour les adultes et ne joue pas vraiment avec les enfants. Toutefois, il y a une version pour les enfants qui s'appelle Mon premier Carcassonne. Une fois que les enfants auront appris à jouer à cette version, ils pourront jouer à celui d'hiver. Mon premier Carcassonne est un jeu de stratégie très très complexe qui s'apparente à risque. Il faut développer des stratégies et mettre de l'avant notre cerveau afin d'arriver à nos fins. Et ça se joue sur des points de victoire. Comment acquérir des points de victoire? Il faut soit faire la plus grande route, soit faire des villes, et lorsqu'on ferme des villes, on reçoit des points de victoire, ou avoir le plus gros banc de neige. Et pour avoir des plus gros bancs de neige, on doit déposer les cartes que nous possédons en main. Sur chaque carte, il y a des items prédéterminés. Soit une route, soit une partie de ville, soit une route et une ville, soit une route, une ville et un banc de neige. Et nous devons déposer nos bonhommes en pain d'épices de notre couleur sur ce que nous voulons acquérir. Cependant, on ne peut pas acquérir les parties déjà obtenues par d'autres joueurs. Et nous avons un nombre limité de jetons. Quand que je ferme une ville, je reçois un jeton qui était dans la ville. Donc, ça nous permet de, un, faire des points et de revoir des jetons. À chaque fois que je joue, je choisis si je mets un bonhomme dans le banc de neige, soit dans ma ville, soit dans une route. Mais on peut en placer seulement un par tour ou ne pas le faire, comme quand nous en avons plus. C'est un jeu qui a été adapté dans plusieurs langues et qui possède plusieurs expansions. Le jeu Carcassonne d'hiver s'ajoute au jeu Carcassonne régulier et peut s'ajouter aussi aux expansions qui n'existent déjà. Donc, si vous possédez déjà le Carcassonne, c'est seulement un surplus et vous pouvez y jouer normalement comme vous jouerez aux autres. Et vous pouvez même vous faire des petites expansions maison. Oh, je m'explique. Vous pouvez limiter l'espace que vous donnez à votre territoire en faisant une petite carte de 9 carreaux par 9 carreaux, ce qui limite les joueurs dans leur création et dans leur expansion de village qui pourrait prendre des formes vraiment très drôles. Oh, ça pourrait faire penser à certaines choses coquines. OK. Carcassonne est par exemple légèrement plus cher que plusieurs jeux. Il est autour de 40$. Ilala. J'espère que vous aurez l'argent pour acheter des cadeaux à des amis, hein, pas juste à vous. Et si vous voulez offrir Carcassonne en cadeau, sachez que vous avez beaucoup de temps, puisque c'est un jeu qui peut durer des fois une heure à jouer. Et là, c'est lorsqu'on le comprend. Si vous avez du temps et beaucoup d'amour, vous pouvez lire les règlements en entier et les appliquer. Cependant, vous pouvez aussi jouer le jeu avec vos propres règlements, puisqu'il offre une grande panoplie de cartes et de pions qui vous permet de jouer selon vos règles. Et voilà, c'était Alfalfa du Royaume du Père Noël. On se retrouve bientôt peut-être pour une autre chronique. Merci Alfalfa! Oh oui! Il est-tu beau, hein? On l'a pas en studio parce qu'en fait, il est retourné au Pôle Nord. Il reste quelques cadeaux à confectionner, tu sais, oui. C'est dans quelques jours. Fait qu'il pouvait pas être en studio avec nous, malheureusement. Il peut pas être partout, là. Mais non, on peut pas. Il est tout petit puis court vite, mais ouais. Il peut pas être partout. On va le retrouver en janvier. Il nous reste encore deux autres chroniques à entendre d'ici la fin de l'émission. Véronique Mire est toujours avec nous à la table principale. Eh oui! Oui, ça va toujours? Ça va très bien. T'as distribué le reste de ton chocolat, c'est fini, on l'a vu. C'est fini, eh oui! Plus de chocolat au pain d'épices. C'est très bon, excellent. C'est très excellent, bien. Sérieusement. J'en ai un petit morceau de sperre dans mon petit verre là, que j'attends pour le manger tantôt. Mais avant ça, on écoute un petit peu de musique aujourd'hui. Pas trop, mais quand même, on se force hein, à en jouer de la musique de Noël. On aime ça. Et Véronique Mire, tu nous as apporté quelque chose que t'aimes beaucoup de ta jeunesse, je crois. Ben oui, en fait, je dédie cette chanson à ma maman, car c'est sa chanson de Noël préférée. C'est quelque chose que j'aurais toujours rêvé d'avoir à Noël. Évidemment, un hippopotame. Alors, c'est la chanson « I want an hippopotamus for Christmas » de Gayla Peavy. Merci, Véronique. Dans le potluck d'une grosse pointe tendresse à l'assemblage. I want an hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. Don't want a doll, no dinky tinker toy. I want a hippopotamus. Christmas. I don't think Santa Claus will mind you. He won't have to use our dirty chimney flue. Just bring him through the front door. That's the easy thing to do. I can see me now. apathin. Teacher says a hippo is a vegetarian. There's lots of room for him in our two-car garage. I'd feed him there and wash him there and give him his massage. I can see me now on Christmas morning creeping down the stairs. Oh, what joy and what surprise when I open up my eyes to see a hippo hero standing there. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. And hippopotamuses like me too. Guerre PV, c'était le choix de Véronique Mire. Merci Véronique pour ce choix musical. C'était vraiment le fun. Toujours dans le potluck d'une grosse pointe tendresse à Assemblage requis. Maintenant, je crois que Véronique va devoir laisser sa place pour laisser passer quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose qui fit avec du chocolat, tout le monde. Dans les gens qui ont apporté quelque chose là. Avec du chocolat. Allons-y. Allons-y avec Frédéric Simon. Frédéric Simon, l'animateur, co-animateur, participant, collaborateur à l'émission Matière Noire tous les mardis soir à 21h. Il est aussi dans la Ligue d'improvisation de Louisville et des environs. C'est la Lille où il est joueur. Il est aussi co-animateur à la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Il vient de s'installer avec nous en studio. Bonjour Fred. Bonjour. Et c'est différent hein, du divan. Oui. <La petite chaise. rire> Donc, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Je vous ai amené un espèce de maïs soufflé. Un espèce de mix entre du popcorn fromage ou du popcorn caramel. Oh! Oui! Je dois avouer que moi j'ai déjà goûté et que j'adore ce produit-là. C'est merveilleux. C'est Nadia Tranchemontagne qui m'a fait découvrir ça. Ancienne de la Luître. Oui, évidemment. Puis, écoute, c'est devenu un incontournable dans nos soirées vins et fromages et autres grignotines. C'est-tu pas merveilleux, c'est vraiment dans un vin et fromage? Oui, absolument. Est-ce que tout le monde dans la foule a déjà goûté à ça ou n'a jamais goûté à ça? Je dois aussi avouer que j'ai déjà goûté. Par contre, j'ai hâte que les gens, si jamais ils n'ont pas goûté, goûtent parce que c'est excellent. Véronique Mire? Moi, j'en ai goûté à Chicago même. Oh, wow! La place de popcorn qui fait ça. J'espère qu'au moins Martin Lambert et Alex Marchand n'ont pas goûté. Jamais goûté à ça. Bon, tu vois. Jamais de la vie, David. Tu as déjà goûté, toi? Ben, non, ça m'intrigue. Bon, au moins, on a la moitié des gens qui n'ont pas goûté. C'est le fun. Donc, c'est par la compagnie G.H. Critters, oui, since 1885. Oh, on aime ça quand ça fait longtemps. C'est ça, quand c'est vieux. Quand c'est vieux, tout est meilleur. Comme David Ferron dirait, tantôt il a dit genre, quand c'est quelque chose est vieux, on va demander à Martin Lambert ce qu'il en pense. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? Moi, je suis un peu embêté, là. Non, je n'ai que deux fois votre âge, donc c'est 25 que j'ai. Ah, c'est ça. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Exactement. Bref, le sac est beau et très, très épais. Oui, sinon, quoi dire d'autre? J'ai trouvé ça à l'épicerie, au métro. Avant, je le trouvais plus. Il y a les gros formats au Costco. Oui. Sinon, ça se voit Walmart. Puis sinon, je l'ai trouvé cette fois au métro, puis avec une étiquette découverte. Donc, ça doit pas faire longtemps qu'il est là. Ouais, c'est du coup, moi, j'en achetais chez Target. C'est vrai? C'est Target. Ah, oh, notre défunt Target. On s'ennuie. Mais non, c'est vrai, ça se trouve quand même un peu partout, mais j'imagine que ça commence à faire sa place sur le marché. Et c'est que les gens ont de la misère à essayer les nouveaux produits, donc c'est assez intimidant de voir trois sortes de popcorn, parce que tu dis, c'est quoi, c'est caramel, popcorn salé et fromage? Oui, caramel et fromage, donc un mix sucré salé. Donc les gens sont peut-être pas attirés nécessairement par quelque chose de différent comme ça. C'est vrai. Faut essayer des nouvelles affaires. Ça va bien fitter avec mon prochain produit. Caroline, qu'on a de l'esprit d'enchaînement dans les idées. L'emballage est intéressant, mais il y a un peu un look de produit de marque maison. C'est vrai, hein? Ouais. Je trouve un petit peu, je sais pas si c'est les bandes, mais on dirait apparence baseball un peu. Je sais pas si c'est mise là-dessus un petit peu. Il est comme. Espèce de Cracker Jack. Genre, c'est un sac blanc avec des lignes grises et un dessus bleu poudre, je dirais. On va ouvrir ça. Est-ce qu'on ouvre ça? Dans le micro magique. C'est un peu plus facile de faire du bruit avec un sac. Oui, c'est ça. Comme on dit d'habitude, c'est quoi la tradition? Brasse-moi le sac. Brasse-moi le sac. Oh! Alors est-ce qu'on a encore des verres à shooter pour distribuer ça? Ça sent quoi, Fred? Ça sent le... À part le bonheur, ça sent le popcorn. Ça sent le sale. Tu veux-tu des verres à shooter pour distribuer le tout? Est-ce qu'on va en avoir assez pour toute l'émission? Ça devrait, probablement. On va peut-être devoir réutiliser nos verres, des fois. On est rendu 7, là, je pense. Que les grains sont quand même assez gros, mais on va faire notre possible. Donc tout le monde, les grains, il y a beaucoup de graines, de grosses graines dans le sac. C'est ce que ça veut dire, David? C'est bien ce qu'il dit. Ben, en fait, on s'en liche les doigts. Oh! Il en met tellement dans chaque vague que ça déborde. Ben, vous allez avoir un snack, vous n'avez même pas idée. Débordement de graines? Non, c'est ça. Ben, aucun commentaire là-dessus. Ben non. Martin Lambert s'occupe de la distribution, encore une fois, merci beaucoup. C'est le gars du service aux étudiants, hein, tu vois, donc il sert les étudiants. Et employés. Ouais, c'est ça, même si certains ne sont plus étudiants. La plupart, je pense. Les gens qui pourraient être leur petit-fils, ses petits-fils. Vous allez sur ta cuisse, Martin Lambert, franchement, David. C'est une blague. Hein? Merci, Fred. David. Merci, oui, Fred. Ah, ça sent bon, ça sent vraiment le bonheur. Oh, merci. Je peux-tu donner un conseil? Oh, Véronique, un conseil, oui, David. Il faut prendre un orange et un brun ensemble. Okay, oui, mélangez-les. Mm-hmm. Mélangez-les. Donc, les deux ensemble, donc fromage et caramel, on se rappelle. Ouais. On doit mettre les deux ensemble et manger sandwich. Ça. Fred s'est fait son verre en dernier, donc es-tu prêt? Oui, en fait, j'ai ramassé ceux qui étaient tombés à côté pour faire mon verre. les déchets. Bon, on mange? Tout le monde en même temps? Martin, lui, vient de boire le shooter au grand complet. On va laisser Martin parler. Bon, c'est excellent. C'est pas révolutionnaire. À une époque, jadis, naguère au millénaire dernier. Juste pour abrier ce qui se dit. Quand c'était en noir et blanc, t'as vu? Ils se vendaient en sacs individuels, puis même que certains endroits, comme la Place Laurier à Québec, ils les font aussi là, à plusieurs saveurs. Donc, oui, dans un paquet comme ça, c'est nouveau, mais... Mais pour moi, c'est pas nouveau, mais c'est excellent. C'est encore de la nostalgie pour Martin. C'est ça. Tout est de la nostalgie pour Martin. Hey, Alex... C'est excellent. Alex Marchand avait une petite chanson à chanter pour ça, je pense. On mange la bouche pleine. On mange la bouche pleine. Ah oui, ah, ça, dit ça, c'était drôle. C'est juste, je l'avais pas vu s'en venir. C'est parce qu'on vient juste de le jouer. Avant l'émission, tantôt, c'était prérequis. Et il y avait la chronique qu'on a chanté cette chanson-là. Fait que c'est pour ça que je me disais que tu savais. On mange la bouche pleine. Bref, as-tu goûté? Oui, mais c'est parce que je pensais que c'était, j'avais un brun, mais finalement, ça s'adonne que c'était juste un orange bien enrobé. Je pensais que j'avais un brun, ouais. C'est ça, dans mes poches, mais bon. Donc là, faudrait que j'y regoute. OK. Moi, c'est excellent. On mange la bouche pleine. Tu manges la bouche pleine. Ben oui. C'est on parle la bouche pleine. Exactement. Je faisais mon fin fino. Juste ça le même, les gars. Mais c'est vraiment très bon. Ouais, j'adore ça, c'est un de mes produits, je pense, moi, préféré de la vie. Fait que je suis content que t'en aies amené. Mais voilà, fait plaisir, Mathieu. Et comme d'habitude avec du popcorn, je vais sûrement m'étouffer. Fait que si quelqu'un veut venir animer le reste d'émission, vous avez bien beau. Mais Véronique, elle, qu'elle en pense? Ben moi, c'est un must dans mes soirées d'amis, là, vraiment, tout le monde triple là-dessus. Puis, je vous recommande, si vous en achetez un gros chez Costco, de le brasser avant de l'ouvrir. Parce qu'il est tout dans les mêmes. Je pense que c'est le caramel qui sont plus lourds. Ils se ramassent tous dans le fond. Mais moi, fan de sucré salé, là, pour moi, c'est bon, hein, c'est très bon. C'est pas agressant comme un niveau de trop salé ou trop sucré. C'est pas aussi agressant que Patrice Robitaille à sucré salé. C'est ça, t'as tout compris. J'osais pas le dire, mais maintenant que tu le dis. mais c'est un très bon point. Et souvent, on dit aussi de non seulement le brasser, mais vous pouvez même l'ouvrir à l'envers. L'ouvrir par le bas du sac, c'est ce qu'on conseille des fois pour les sacs de chips. C'est vrai. Merci Fred, encore. Ça fait plaisir. Tu vas retourner dans le public et passer le reste de l'émission avec nous? Ben, tout à fait. On va te demander ton opinion, surtout. T'es le fin d'être là. Conservez vos petits shooters, mesdames, messieurs, parce que tantôt, il y a d'autres produits qui vont probablement servir dans ces choses. Ça sonne, conservez vos coupons, il y a un concours à la fin. Exactement. Mais sans le concours et sans les coupons. C'est vrai, j'ai moitié-moitié. On parle la bouche pleine. On était rendu à prendre une pause et on revient avec plus tard le produit de Martin Lambert. On a Alex Marchand, bien sûr, David Ferron qui va aussi nous présenter son produit et tous plein d'autres invités surprises dans le potluck d'une grosse pointe tendresse. Restez là. Oh! Public! C'est fou. 89.1. c'est le potluck annuel dans l'assemblage requis. Talia Baudin est là. Mathieu Plante est là. Ok, oui, on a du plaisir. Il nous reste encore la moitié de l'émission. Ça passe vraiment vite. On a déjà la moitié de l'émission, de fait. Ça se peut pas. C'est impossible. Ça va extrêmement vite. Ouais. Ah, maintenant, on a Martin Lambert avec nous à la table principale. Salut, Martin. Bonjour, bonjour. Hello, comment allez-vous? Bien, vous aussi. Oui, absolument. C'est le gars qui passe en studio nous faire des petits saluts, puis on le mentionne des fois en ondes. C'est toujours le fun de l'avoir. C'est le président. Conseiller. Le conseiller. À la vie étudiante. Service aux étudiants. Ça. Des services aux étudiants, au oui, oui, oui. Depuis il y a plusieurs. Mais moi, j'en suis un. Tu n'es qu'un seul service. Un seul service. D'accord. Mais plusieurs couverts quand tu prends un repas. Tu sais, il y a plusieurs services. Oui, oui, oui. Fourchette et couteau. On commence par l'extérieur et on ramène vers l'intérieur. C'est oui, ça, c'est ça. Tout compris. Tu nous as amené justement un de tes services, un de tes couverts. Oui, un des couverts. En fait, on sort des conventions. Ça fera pas de bruit, mais on sort vraiment des conventions. En fait, je sais pas pourquoi le déjeuner, faut toujours manger les mêmes choses. Faut un peu expérimenter, puis ben, changer les couverts. Bon, ça alors, fait ça. C'est surtout un aliment qui est survendu lors des festivités du Super Bowl au mois de février. Okay. Les nachos. Oui, et ça peut être ça aussi, mais ça vient ajouter aux nachos. C'est vrai, tantôt, t'as dit que ça volait. Ça fait volait. Que je vais y aller avec... Prends un oignon. Ça va, ça va. Ben ça oui, roule, les ça. Oignons, ça... Ça roule? Ça roule, une rondelle d'oignons, okay, ça roule. Tantôt, j'ai collé la perdrix, mais oui. Je pense que j'irais plus avec les ailes de les poulet. Les chicken wings! Oh! Exactement, c'est en plein ça. La foule, on fait des... Ça marche pas par tout ça. Alors, à 8h35, manger des chicken wings. Ben, j'ai changé le verre parce que je trouvais que la chicken wings... Une seule chicken wings dans un petit verre, ça... Je trouvais ça un peu... Ouais, t'as mis des grands verres à place. Mais comme ça vient en batch de 6 quand on achète, ou 8, oui. Là, on va toujours bien se gâter avec des gros verres. Tu nous intrigues un peu avec des ailes de poulet, là. Oui. Est-ce qu'elles sont chaudes? Elles ont été... Je les ai préparées hier soir. Ouh! Alors, elles sont... Mais t'as jamais fait ça, Mathieu, manger des chicken wings refroidis? J'ai jamais fait ça, non. C'est aussi c'est, bon. C'est merveilleux pour un hangover. C'est exactement. Ah, OK. Et ça, donc, Alex Marchand, tantôt, va pouvoir en profiter. Oui, exact. Après le parti des Sénégalais, Congolais, Mexicains. En fait, Alex, Camerounais, c'est ça. Alex va pouvoir joindre ça avec ses saveurs d'hier soir. Ça va se brasser dans son ventre. Fait, tu dis que je vais avoir la gueule en feu. Oh, peut-être. Alors, ça pourrait. Peut-être. Je sais pas. Je vous ai pas dit si c'était des. Chicken wing et vodka, là. Aïe et miel. On va devoir appeler le service de ménage. Je regarderai votre visage et puis je. Est-ce que tu les as achetés au Costco, Martin? Je ne peux pas mentionner le magasin. Ok. Aux autres. Mais là, l'entrée. Je peux dire que c'est la marque est rattachée à une danse. À c'est une ça. Danse? Oui, la marque de la Chicken Wing. La marque Arena. L'entrée va être en feu, mais on espère que la sortie ne le sera pas. Exactement. Ça, probablement que je le saurai pas. Vous me ferez pas un rapport en 3 copies. Peut-être pas un rapport, un tipette. Se méfier toujours de la sortie. My God, tiens, vas-y, mets-moi en une là-dedans. Ça va mettre une grosse, Tania. Voilà. Oh, on va en prendre une quand vaut deux. Merci beaucoup. Chicken wing et café, alors, voilà. Peut juste vraiment, hein? Mais non, mais il reste plus de café. C'est mon petit déjeuner offert ce matin. Non, ce n'est qu'une illusion. OK, ce n'est qu'une illusion. On est trompé par l'odeur. Finalement, personne n'est capable de manger. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Alors voilà, c'est mon petit déjeuner de ce matin qu'on sort un peu des conventions. Merci, Martin. On va faire la distribution. Tout le monde s'en prend une couple, c'est ça? Parce qu'il y a juste 4 verres là. C'est ça, le faux. Vous avez 4 verres, mais vous les partagez, vous comprenez? C'est Fred Simon qui fait la distribution. Merci, Fred. Martin, lui, il s'en est gardé comme 12. Non, ouais. Ça rentrait pas dans les verres. C'est ça. C'est séparé équitablement. Non, mais on a mangé un popcorn, un carré de... un carré de chocolat. Tu es en train de traiter les autres de paresseux. Non, je fais juste dire que merci. Mathieu, est-ce que tu en as? Oui, on va. C'est-tu bien, ça, là? OK. Oui, merci. Merci beaucoup, David, qui nous passe des essuie-tout. Oui, merci, David. C'est le fun, le service. On va essayer de faire le moins de dégâts possible avec ça. Bonjour tout le monde. De mon côté, je suis très loin de la console. Ça sent très bon. Elles ont l'air lisses et pas collantes. C'est vrai? Elles sont pas collantes du tout. Je sais pas comment ça se fait qu'elles ne sont pas collantes comme ça. À l'odeur, Tania? Ça sent bon. Moi, celle que j'ai, je sais pas s'il y a plusieurs sortes différentes dans ton bol. Deux sortes. Okay, mais là, je veux les deux. J'en ai juste une. La couleur, j'y vais à la couleur. Oh, t'as une couleur. Ah, oh, celle-là ici m'apparaît. T'es capable de différencier, c'est comme tes enfants. Oui, exactement. On y va avec la exact. Couleur. Donc, tu peux les habiller pareil, ça. Ah, deux traits différents. Voilà. Non. Ça sent bon, ça sent bon. Je trouve ouais, ça sent bon. Ça fait différent, moi, je pense, le matin. C'est, je nous imagine une fois le matin déjeuner. Est-ce que tu déjeunes à ça, toi, le matin, ou une toast au beurre de peanuts, ça fait ton affaire? Je dirais que je mélange. Je peux manger une pointe de pizza le matin s'il reste une pointe de pizza la veille. Honnêtement, là. Okay. Ou un spaghetti, ça, aux grand dames de ma blonde, d'ailleurs. Le public au complet a commencé à manger. Ouais, ça déjà. Personne passe, donc c'est bon. On va y aller, on va y aller. On y va. Eux, Martin, ils en goûtent pas. Non, je vais les manger tout à l'heure. Non. Je regarde. Moi, je goûte la première. Ouais, celle-là est un petit peu piquante. C'est laquelle, tu penses? Il y a Chipotle qui devrait être la plus piquante en bouche. Puis l'autre, c'est Barbecue Ordinaire. Là, Barbecue Ordinaire, très fait bon. Fait par la Mac Flamingo, donc la danse de tout à l'heure. Ah, voilà. Voilà, parce que vous. Moi, je suis là, salsa. Non, Flamingo. Aussi un animal. Et ça vient du poulet. Ah, merci, c'est bon. Non, mais c'est écrit sur la boîte. OK. Ailes de poulet. Ça vient de poulet. Ça vient du poulet, c'est ça. Ça vient du poulet, exact. Est-ce qu'il y a des ailes de d'autres sortes? Y a-t-il des ailes de dinde? Ben, il peut avoir je pense que des ailes de dinde, ça se fait maintenant. Hein? Peut-être. C'est très bon. En tout cas, barbecue est très bonne. Ouais. Personne n'est vegan dans le groupe, ça me surprend. J'ai semi-mangé la barbecue, mais j'ai semi-croqué la tout le monde mange. Vous aviez faim, on aurait mangé n'importe quoi. C'est vraiment très bon. Pour vrai, je pourrais continuer très longtemps à la manger, mais il faut que je parle en même temps. C'est gommant ses mains, hein, Mathieu? Oui, absolument. Oh. Ma main droite seulement. Tu vois, j'apprécie beaucoup de chipotle. Ah oui? Ah, la plus piquante, normalement. Celle-là, tu peux te lire? Non. Ah, c'est pas bon. C'est pas un barbecue. Bon, OK. On ira s'asseoir. Mais les deux sont très, très bonnes. Je vais prendre la barbecue. Plus sucrée un peu. Plus sucrée, exact. Je pense que je préfère celle-là. Bon. Mais l'autre est vraiment excellente aussi. Non, mais c'est Flamingo qui l'a fait. Un peu plus classique. Alors, je me sens pas responsable. Non, aucune merde. Je me sens pas insulté par la critique culinaire. David, sur le terrain, Véronique Mire a quelque chose à nous dire. Non, OK, excuse-moi. C'est une question. Ah. Non. Ah, quand elle m'a dit ça, je pensais que ça voulait dire qu'elle voulait parler. Mais non. Très bon. C'est ça, la recette, c'est pas toi qui l'as déterminée, mais t'as quand même déterminé de l'amener froid, donc c'est déjà le facteur. Mais c'est bon quand même. T'as froid, tu sais, du poulet froid, ça se mange. J'aurais jamais pensé. Aussi, non? Mais c'est important de les faire cuire avant. Oui. C'est suggéré, ça à boire. Mangez pas ça pas cuit. Génial. Donc, merci, Martin Lambert. Merci à vous, bonne journée, là. Très bon, puis on espère te revoir dans un autre potluck éventuellement. Puis tu repasses quand tu veux. Ouais, mais je repasse surtout improvisé. Tu peux même venir. Tu peux même venir à une chronique normale, si tu veux aussi, à un moment donné. Selon vos chroniques, m'en parlerai un petit peu d'avance, puis je vais m'arranger pour agrémenter. Selon ce que le produit est. Exactement. Si le produit piquant, c'est meilleur. OK. C'est bon. Bonne journée, merci, bye. Merci, Martin. Bye. Mathieu? Oui. On est en train de parler de poulet, puis tout ça. Mais ce matin même, il y a eu une annonce qui a été faite par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Je ne sais pas s'il y a des gens autour qui le savent, là, mais les chips de la marque Old Dutch, cheddar et crème sûre ont été rappelés parce qu'il peut y avoir de la salmonelle dedans. Donc faites attention, là, j'espère que personne n'a amené des Old Dutch crème sûre et cheddar ce matin. Il aurait pu parce que ça a l'air bon. Oui, je sais. Mais non, faites attention, là, ça doit être consommé sous aucun prétexte et c'est l'Agence canadienne qui nous dit ça. C'est très sévère, ça. Bref, on va passer à une petite pièce musicale. Après ça, on va continuer avec Alex Marchand. On a encore aussi David Ferron et d'autres gens qui vont se rajouter. Mais pour l'instant, on écoute The Killers, Tania. Oui. C'est ton choix? Oui, c'est mon choix. Puis j'ai complètement perdu le titre. I Felt It In My Bones. Merci. Featuring Ryan Pardy. Assemblage Rocky. Got it all figured out. Killers, I feel it in my bones, featuring Ryan Party. Maintenant, nous avons tous la bouche en feu. Ah, vraiment, ça brûle, j'ai le temps de me laver les mains. Tout va bien, tout le monde est content, tout le monde a digéré un peu sur le début de l'émission. On a oui, la moitié de fête. Vous êtes toujours dans le spécial Une grosse pointe en dresse d'assemblage requis. C'est le potluck annuel. Annuel, on verra bien si c'est annuel ou si c'est plus qu'annuel avec le temps. Maintenant, on a Alex Marchand, qui est le président de l'Association Générale des étudiants de l'UQTR avec nous. Aussi. Ça va? Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. En fait, on doit le dire, c'est un peu ton idée, ce concept-là. Ah, c'est venu, c'est vrai, c'est venu de nulle part. Hein, ouais. C'est venu durant une chronique, en fait. Ouais, absolument. T'as dit, on devrait se faire un potluck, tout le monde amène quelque chose. Et ça a pris de l'ampleur avec le temps, donc c'est grâce à toi qu'on a créé ça. On a rendu beaucoup de monde. Non, c'est vraiment, c'est le fun de rassembler les gens comme ça. Là, je viens de réaliser qu'Alex est le seul qui a pas goûté à ce fameux café Mocha Nescafé. Goûtons-y avec lui. Alex, je te laisse goûter à ça. Présentement, dans le public, on a Véronique Mire, Frédéric Simon, David Ferron et Alex Marchand. Oh, ben ça, c'est quelque ça aide chose, aussi ça pour le brûleur de bouche. Mm-hmm. Ça sent la Coffee Crisp. Ouais. Ah, Coffee Crisp! Tu vois, on l'avait pas entendu, celle-là, tantôt. Mm-hmm. Oh, hey, c'est intéressant. Ça goûte un petit peu la peinture. La peinture! La peinture! T'as déjà mangé de la peinture? T'es pas normal, Alex. Questionnement! Que faisais-tu avec la peinture dans la bouche? Je suis pas habitué de manger des ailes de poulet après ça, de boire du café. C'est nouveau pour moi, c'est peut-être ça qui m'a fucké. Ça va nous créer des problèmes d'estomac, je pense. C'est ça. Ah, peut-être. Hein, on mange beaucoup d'affaires qui sont rough sur l'estomac. C'est sûr que tantôt, tout le monde va être comme filé bizarre. Est-ce que quelqu'un a amené des gaviscons comme produit aujourd'hui? On aurait dû penser à ça. David, on t'envoie magasiner du gaviscon avant la fin de l'émission, c'est pas vrai. Je cours, je cours, je cours, je cours! Il va échapper le micro, c'est pas ça. Hop! Oh boy, David, tu me fais peur, je suis pas donc, Alex, aujourd'hui, tu nous as encore amené quelque chose pour notre potluck, comme les autres. Ben oui, en fait, à la base, j'ai manqué d'inspiration, fait que je vous ai apporté des rires en canne. Mais ce sera pas long. Public, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bon, on va voir si le public fait des meilleurs rires en canne que l'enregistrement d'Alex. Alors, public, rire en canne, faites comme si vous existez pas vraiment. OK. Ah! Hey, c'est à s'y méprendre, mon c'était... Dieu. Hey, wow, c'est okay. Excellent. Hey, il faut vraiment qu'il faut qu'on sample ça et qu'on le réutilise. Ça fait juste prendre ce bout. Oui, pourquoi pas. Donc, bref, c'est... Ben non, c'était ça se mange pas, ça. C'est un effet sonore, ça se mange je pas. Sais, parce que je vous niaisais, je me trouvais drôle. Oh, t'as fait comme notre ami Martin Lambert, qui est de retour dans le public d'ailleurs. Tu nous as amené quelque chose dans un plat. Oui. Clairement, oui. Ils ont acheté leur pot à la même place. Probablement. C'est Costco, hein, c'est ça? Mais bref, c'est ça. J'ai allumé mon four tout de suite après m'être réveillé. travailler ce matin pour être en mesure de vous apporter quelque chose. Oui, c'est. Ben, je sais plus si ça l'est tant que ça, parce que ça fait quand même un bout. Il y a de la buée dans ton bol, en tout cas. Ben oui, exact. Mais je vais quand même vous conter l'histoire de comment ça m'est venu à l'idée. J'étais un amoureux invétéré de la poutine dans la vie. J'adore ça. Fait que là, je me suis demandé comment que je pourrais faire pour faire encore plus grimper notre taux de cholestérol ce matin. Ah, c'est gentil. Donc, je suis arrivé avec cette idée-là au Provigo hier en me promenant tout bonnement dans la section des congelés. Puis je me suis rendu compte que le choix du président était beaucoup trop inspiré. Je sais pas mais si vraiment. C'est vrai, hein? Ils ont beaucoup de. Je pense qu'ils ont 50 sortes de cossins différents. Mais ils sont tellement meilleurs que les autres magasins pour les produits maison. Si vous voulez acheter un produit maison, achetez surtout pas du compliment. Mm-hmm. C'est toujours très mauvais. Il faut acheter du choix du président. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi le choix du président que vous allez écouter au public. Ok. Sacré passant. C'est Martin Robert. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est la poutine, t'as dit? Oui, de la poutine, exactement. Fait que je suis arrivé là, j'ai vu. Ça ressemble pas à de la poutine, moi. Ouais. Non, mais c'est, vous allez voir, c'est que c'est des bouchées de poutine. Ah! Oui. Donc, je suis arrivé là, j'ai vu ça avec un faisceau autour lumineux qui me disait comme Alex, tu dois absolument servir ça demain à l'assemblage récré pour la chronique Une grosse pointe en dresse. Donc, j'ai pas pu m'en empêcher. Puis aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux produit. Ah, c'est génial. Referme le plat. Ouais, ben, là, on va l'ouvrir. On vient de perdre toute la chaleur à cause de. Mathieu, là. Micro-magique. Oh, c'est merveilleux comme ça. Ça fait un beau ça change. Oh, ça sent la poutine, les amis. C'est quelque chose. Je suis comme la seule qui le sent parce que je suis proche. Ouais, ma sinusite t'es pas d'accord avec le fait que ça sent. Donc, on mélange friture et poutine, c'est merveilleux. Donc, ça pourrait pas être meilleur. Donc, je pense qu'on peut... C'est de la fritoune. De la fritoune. La fruitine. C'est aussi la fruitine. Tu dis plus jamais ça, Mathieu. Sac à blague, ce Mathieu. Je pense que c'est le genre de blague qui mériterait même un rire en câble. Oh, wow. Je vais en chercher un parce que. Ouais, c'est pareil comme notre public en délire. Sac à blague. Sacré farceur. Bon, donc les bouchées de poutine, on va encore les distribuer dans nos petits verres à shooter, c'est ça qu'on va faire? Pas, les verres à shooter, finalement, sont de maison aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde en a apporté, apporté assez de choses pour tout le monde dans l'équipe jusqu'à maintenant. Ça va très bien. Ben, allez, je pourrais les distribuer comme pas besoin de verres à poutine tant que ça. Le président lui-même qui s'en va là-bas. J'ai aussi eu des nouvelles de notre ami Jean-Philippe Charbonneau. Oui, le directeur général, qui va aussi venir faire cette petite dégustation. Ça va être le prochain, en fait, je pense qu'on... On va voir. Qu'est-ce que t'as dit, Alex? On t'entend mal comment? J'ai passé proche de prendre des ailes de poulet hier parce qu'il y en avait 250 sortes à l'épicerie. Ben oui, mais là... Oui, évidemment, surtout dans le temps des fêtes. Mais le message s'est passé comme quoi que Martin a ramené des ailes de poulet. Exactement, donc j'ai pas pris de chance. Et en plus, le temps de cuisson était plus long puis je prévoyais pas me réveiller un matin, fait que... Ben, t'avais parti de Gambonais. De Camerounais. Camerounais. Va falloir que t'apprennes de payer un jour, Mathieu. C'est juste en bas du Nigeria. Ah, ok. Monsieur qui drop mais les connaissances. Mais ça sent quand même encore chaud un peu. Ça sent vraiment. Ça sent la friture plus que la poutine, n'est-ce pas? J'entends dans le public que. Qu'est-ce que tu fais, David? Parce que t'as volé le mien. Mais le mien est où? C'est Mathieu. Ah, merci. Ah, il m'a donné ça comme. Croquette du destin. Comme un hostie. Merci. Ceci est le corps, c'est Christ. Mais je sens que le public a un message important. OK? On t'aime, Mathieu! Ah, mon Dieu! Ah, c'est on a vraiment le public le plus qu'à t'aimer. Est-ce qu'on aime Tania aussi? On t'aime, Tania! Mais moins que Mathieu! Est-ce que vous préférez Tania ou Mathieu? On t'aime les deux! Bonne fête, JP aussi. Faut oui, faire c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est la fête c'est à ne... Mais on goûte-tu avant de chanter bonne oui, fête? Oui, on va faire ça. Pourquoi pas? Ça sent plus la friture, comme je disais, que la poutine pour moi pour l'instant. Ouais. Moi, je trouve que. Il n'y a pas vraiment de nez, fait que ça compte pas. Je trouve que ça sent le fromage. Ok, moi, je mords à une seule bouchée. Ouais, une seule bouchée, tu te la mets toute dans la bouche. Ouais. Ah, oh, c'est cochon. C'est moins chaud que ça arrive. Je pense qu'ils sont meilleurs que les... parce que Saint-Hubert en fait des similaires, je pense. Hein. Okay. Ah, c'est bon! Ils sont encore meilleurs, ceux-là. Ouais. Est-ce qu'ils ont des saveurs différentes? Ouais. C'est sûr que j'ai déjà, genre, busté toutes les calories du temps des fêtes juste ce matin, mais... Ce que j'aurais suggéré, c'est arrêter de faire des petites bouchées comme ça, avec du fromage à l'intérieur seulement, pas de sauce à l'intérieur, et avoir une petite trempette de sauce pour pouvoir tremper, un peu comme du poulet popcorn. C'est vrai? Fromage. serait encore meilleur, je pense. Ma limite, ce serait d'acheter des bâtonnets de fromage et les tremper dans la sauce barbecue. Ça pourrait être excellent aussi. Hey, c'est... Wow! Je pense qu'on a quelque chose de... Achetez pas ça. Ça, ils font ça en plus de d'autres affaires, mais c'est excellent. Mais c'est très bon, mais je pense que c'est du fromage râpé qu'il y a à l'intérieur. Ça se peut, hein? Ça se peut, peut-être. D'habitude, on est contre le fromage râpé dans une poutine. Parce qu'il faut des crottes de fromage, exactement. Mais là, dans des boulettes comme ça, je pense qu'on peut... Je pense que dans des boulettes, ça aurait pas fondu si ça avait été du fromage couche-couche. Il y en a une qui a explosé un matin un petit peu, fait que je l'ai mangé. Ah, t'avais déjà goûté! Ben là, il sortait du four, là, il me faisait comme bon, ben là, il faudrait que tu nous manges un peu, tu sais, on s'en sèle. Pour Alex Marchand, les produits, l'appel par son nom, et les produits en magasin, et les produits dans son four. Ah oui, mais ça fait deux jours que je dors pas, c'est sûr que ma bouffe me parle. On adore, tout le monde aime ça. Dans le public, David Ferron, est-ce que tu vas aller récolter les commentaires du public, s'il te plaît? Ben c'est excellent. En fait, c'est un mélange de friture et de sauce. Donc, comment ne pas apprécier? On la goûte bien, la sauce. Petite sauce salée, quand même. Je passe. Je laisse la parole à Véro. Ah, OK. Ben, Véro va m'appuyer dans ce que je veux dire. Moi, je trouve que l'original est toujours la meilleure. Ah, ouais. Ben, là, donc, je pense pas que le choix du président va avoir mon argent pour la poutine en crotte. Est-ce que t'es contre le président de l'OGE, là? Un de tes collègues? Ben, JP a sûrement fait un excellent choix dans sa grosse bouffe, là, mais je partirai pas acheter une boîte de ça. Fait bref, on vous conseille les cheesesteaks trempés dans la sauce barbecue à la place. À l'unanimité. Ceux du Saint-Hubert, en plus, sont très bons. Oui. Merci Fred, excuse-moi. Merci Alex Marchand. Oui, ça fait plaisir. Président de la GEQTR, aussi on le retrouve à la Luître les lundis soirs à 20h. Oui, mais pas avant, je pense, mi-janvier au moins. Je suis pas sûr que ça recommence. C'est la deuxième semaine de janvier, je pense, le 9 décembre. Ah, okay. Ben, venez nous voir le 9, ça va être très, très merveilleux. Et dans ton local, au beau divan rouge et au poster de super-héros. 10-25 pavés. Ouais, c'est pas des super-héros. Non, par les séries télé. C'est des séries télé, j'en ai 5. Si vous voulez venir les voir, ils sont merveilleux. Si vous voulez venir voir mes posters. Mais tu en manques d'amis. C'est exigeant, là. J'ai plus de vie sociale. Allez me voir, ok, je me sens seul. après exiger IGA, là. Ouais, exiger IGA, peut-être. Ouais. Merci, Alex, encore. Merci. Merci, Alex. Tu peux reprendre ta place dans le public si tu veux, parce que tantôt, on va avoir d'autres collaborateurs qui vont venir. Mais avant ça, c'est le moment de retourner à notre ami Alfalfa, qui nous présente son lutin Info Campus. Après ça, je vous annonce que ce sera Jean-Philippe Charbonneau qui va nous rejoindre tout à l'heure avec son produit qui nous a laissé, qui est sur la table depuis le début avec un petit chou puis des cannes de bonbons. Oh oui. Mais avant ça, c'est le lutin Info Campus. Hey, bonjour, c'est Alfalfa du Royaume du Père Noël. Et si vous m'avez jamais entendu, sachez que moi, je fais des chroniques jeux pour le temps des fêtes et peut-être pour d'autres moments de l'année, peut-être la Saint-Valentin ou pour Pâques. Mais cette fois-ci, c'est un conseil de Noël. Et c'est un jeu que j'ai découvert seulement la semaine passée. Et j'y ai joué pour la première fois. Est-ce qu'il y a des amis dans la salle qui connaissent le téléphone arabe? Oh, ils ont inventé un jeu encore plus fou que le téléphone arabe. Et c'est un peu le même concept. Première étape, c'est de piger une carte qui possède les chiffres 1 à 6. Sur chaque chiffre 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il y a un mot. Je donne un exemple. 1, c'est écrit « pamplemousse ». 2, il est écrit « fait des dents ». 3, il est écrit Mathieu Plante. OK. Vous avez compris le principe. Ensuite, je brasse le dé. Et là, je tombe sur 4. Je suis le premier ami à dessiner. Et j'ai pogné Mathieu Plante. Ouh là là là là, Mathieu Plante. Je dois donc écrire Mathieu Plante sur la première page d'un calepin. Et à l'envers, j'écris... Et je dessine Mathieu Plante. Je dessine. Et là, je dessine et le chrono s'arrête puisqu'il y a un petit sablier d'environ 2 minutes. Je passe ensuite le calepin à mon voisin de gauche qui ne verra pas ce que j'ai dessiné, mais seulement... Il va voir ce que j'ai dessiné, mais seulement le dessin. Seulement le dessin de Mathieu Plante. Il devrait donc écrire dans le calepin ce qu'il pense que moi j'ai dessiné. Et là, il va écrire « Un bonhomme célibataire ». Oh, oh, oh. Et là... Il passe le calepin ensuite à sa gauche, qui lui va devoir dessiner dans le calepin un bonhomme célibataire. Donc, il dessine un monsieur avec des gros muscles, un monsieur avec des longs cheveux blonds, et ça. Le chrono s'arrête. Il donne le calepin au dernier ami de la file. Celui-ci reçoit le dessin. Et il dessine, il décide que c'est Thor que tu as dessiné. Il écrit Thor. Et donc, nous avons une drôle de chaîne. Nous sommes partis de Mathieu Plante. Après, nous avons un garçon célibataire et nous finissons avec Thor. C'est un peu le concept du téléphone arabe. Cependant, ce qui est drôle à ce jeu-là, c'est que tous les amis font toutes les étapes. Donc, tout le monde commence avec un calepin et tout le monde le passe vers la droite. Donc, il se fait 5, 6, 7 et même 8 dessins en même temps des fois. Le jeu s'appelle Esquisser. Esquisser. Non, c'est pas esquisser perdu. Ben non, c'est pas ça. C'est esquisser comme esquisser quelque chose sur une feuille. Il se vend en format de 6 joueurs et en format de 8 joueurs. Mais vous pouvez jouer à 5, les amis. C'est juste que la dernière personne va faire 2 feuilles. Et tout le monde joue en même temps. Donc tout le monde se passe les calepins et ça fait 5. Voilà, c'était une chronique d'Alfalfa directement du Pôle Nord. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement sur mon Facebook. Oh non, mais j'en ai pas. Alfalfa! C'est son avant-dernière chronique. Il nous en reste une autre à entendre tantôt d'ici la fin de l'émission. On l'aime tellement, Alfalfa, qui nous présente des jeux de société. On va le retrouver en direct, en studio, d'après moi, en janvier 2017. On le salue. Il tombe sur le chômage, là. C'est ça, comme tous les lutins. On prend pause. Au retour, ça va être Jean-Philippe Charbonneau qui va être avec nous pour 2 produits. Et en plus, David Ferron qui va être là et Caroline Rouillard qui vient d'arriver. Oh! Wow! Oh! On vient! Aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Toujours dans une grosse pointe d'endresse, c'est le potluck annuel, l'assemblage requis, Nathalie Baudin. Et Mathieu Plante. Oh que oui, David Ferron est toujours sur le terrain pour récolter les commentaires du public. On a appris que Véronique May restait, que Frédéric Simon restait. Oui. Alex Marchand est toujours là. Martin Lambert a disparu. Martin Lambert est parti, sans le dire. Il n'y a pas eu son entrevue de sortie. Regarde. Caroline Rouillard vient d'arriver. Il est juste parti se rincer la bouche, puisque après ses ailes de poulet, tout était en feu. Caroline, qui est dans le CA de C'est Fou, présidente, je pense même qu'on peut l'appeler. Tout le monde est président de quelque chose ici. Il y a juste nous, finalement. Ouais. Président de l'Assemblée. Bonjour à toi. Bon matin. Tu vas nous faire goûter quelque chose tantôt. Est-ce que tu me donnes un indice? C'est pas de la malbouffe. Pas de la malbouffe. Donc, elle a choisi les 2 autres critères. On rappelle qu'on a des critères dans l'émission. C'est que ce soit facile de se procurer ou de le créer soi-même. Exact. Que ce soit quelque chose que les gens n'ont jamais mangé. Ou de la malbouffe. Ou de la malbouffe. 2/3 minimum. C'est ce qu'on demande. Et maintenant, on a notre ami Jean-Philippe Charbonneau, le président directeur général de C'est Fou, qui est avec nous en ligne. Bonjour, JP. Salut, bon matin. Ça va? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui, bienvenue dans la canne de ton, qu'on appelle le téléphone, c'est fou. C'est fou. Oui, Ah, donc, JP, t'es en direct d'où en ce moment? Ah, je suis en direct de chez nous, directement de la cuisine. À Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Dans les contrées lointaines de Trois-Rivières. Exactement. Et donc, c'est de là que tu nous parles aujourd'hui pour nous présenter tes produits que tu nous as laissés sur le bureau avec une boîte et un chou dessus. David Ferron à la tâche d'aller chercher la boîte. David? David de la boîte entre les mains présentement. Tu peux la donner à Tania si tu veux? Je vais prendre la boîte. Merci. Donc, parle-nous de ce que tu nous présentes avant qu'on l'ouvre. Excellent. Donc, hier, quand je suis allé faire l'épicerie pour voir qu'est-ce que j'allais acheter, je ne savais pas trop comment faire ça par téléphone. Ouais. Donc, j'ai décidé d'en acheter moi aussi. Donc, j'ai les mêmes produits chez nous que je vais pouvoir manger en même temps que vous. Ah, c'est merveilleux! C'est fantastique, c'est jamais vu. On va essayer de recréer la magie comme si j'étais là. Donc, wow. Tania, j'ai compris que c'est toi qui avais la boîte. Oui. Il y a deux produits dedans. OK. Je suis allé avec deux produits, un peu plus dessert. Ah, il y a même du papier d'emballage. Wow! Oui, parce que je voulais pas qu'un spoil l'autre. Ah, j'avoue, hein? OK, fait que là, j'ouvre... Okay. Tu pourras me dire si c'est une boîte ou si c'est plus cylindrique. Ici, j'ai une boîte. Une boîte. Donc, on va commencer avec la boîte. OK. Donc, on sort la boîte du paquet. Je te laisse la déballer. Et voilà. On y va avec un dessert irrésistible. OK. Chocolaté. Non, oui, très chocolaté. Chocolat avec centre chocolaté. Donc, on a une garniture chocolatée. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est chocolaté. Oui, il y a bien du chocolat. Est-ce que ça contient du chocolat, hein, c'est ça? Oui. Donc, on a un biscuit aux pépites de chocolat. Je m'attends à ce qu'il soit mou. Moi aussi. Avec un enrobage, ben pas un enrobage, mais plus un centre rempli de chocolat qui serait supposé être fondant. Oh! Ouais. Donc, c'est de la marque Irrésistible. Il y avait deux autres produits, là. Un au gâteau au fromage. Ooh. Et l'autre, je ne sais plus, ça ressemblait comme forêt noire là, avec cerise okay. à ouais. l'intérieur. Donc, c'était 2 pour 5,50 pour ceux qui voudraient s'en procurer à la maison. Très bon détail, ça, c'est bon. Ça. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Allons-y, je vais l'ouvrir en même temps chez okay. nous. Je sais pas si ça va faire un effet visuel. Est-ce que tu as un micro magique chez toi? non, mais je peux me mettre sur speaker. Ah, okay. On peut voir ce que ça fait. Bonne idée. T'es-tu prêt? Vous êtes présentement sur speaker. Merci. OK, on y va dans 3, 2, 1, go! Oh, wow. Mon Dieu, ça fait plus de bruit chez eux que chez nous. On a j'ai un sac ici. Ah, un petit sac d'aluminium. Sac d'aluminium. Oh, ça sent bon! Est-ce que ça sent le chocolat par hasard? Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat, ça sent les biscuits. Classique, le pépite de chocolat. Oui, tout à fait. Donc, je vais en prendre un puis je vais prêter la boîte à David pour qu'il puisse faire la distribution dans le public. Moi, je suis prêt. Je suis désolé, je me suis même servi un verre de lait. Est-ce que tu vas le tremper? Non, je ne tremperai pas. Je vais vraiment le prendre comme vous le prendriez en studio. OK. Donc là, on a quasiment fini la distribution des, merci, des biscuits. David va s'en prendre un aussi. Donc, JP, quand t'es prêt, on peut goûter. Alors, allons-y, de ce pas. Go, tout le monde. Un petit début mou. Mais après ça, c'est très croustillant. Donc, c'est un biscuit croustillant, c'est pas mou. Non. Mais le centre... Et j'ai vraiment plein de chocolat autour de la bouche. C'est vraiment fondant. Caméra 3. Ouais. Chez JP, la caméra 3, aujourd'hui. Ouais. Ça goûte le biscuit classique. Je sais pas si on remarque tant que ça la garniture à l'intérieur. Ben, quand t'arrives au milieu, automatiquement, tu croques dedans. Ouais. Hey, c'est bon, ça. Bon. Tremper dans le lait, là, JP, tu devrais l'essayer. Mm-hmm. Ouais, mais là, il manque. Je me rends compte qu'il manque de main. J'ai pas tout prévu. T'as pas David Ferrand chez vous? Non. Non. Mon verre, il est encore sur la table. Oh! David aurait mis le verre à terre. C'est très, très bon. On va aller demander peut-être au public qu'est-ce qu'il en pense. David? Non, vous m'avez intimidé. Je refuse d'interviewer le public. Fais ta job, David. Je boycotte. J'en ai assez de la vie. Bonjour, Jean-Philippe, malgré tout. Bonjour, David. Comment t'as un bon cookie. Le centre était surprenant. Ouais. Bien, je crois que ça mérite un petit 3 secondes au micro-ondes, mettons, juste pour que ce soit un peu plus fondant. Ah, j'avoue, hein? Ouais, je sais pas. J'abonde dans 3 secondes au micro-ondes, honnêtement. Là. Puis, c'est décadent, c'est bon, c'est excellent. Allez, achetez-en. Caroline? Mais le papier d'aluminium ne permet pas de garder toute la fraîcheur, mais ça prend clairement un verre de lait pour faire passer le sucre qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'on pense. C'est vrai. Malheureusement, Jean-Philippe, lui, entend le public, mais le public n'entend pas Jean-Philippe. Jean-Philippe avait l'air d'être d'accord avec pas mal tout ce que vous avez dit, public, sachez-le. Exactement, exactement. Oui, ça a l'air... c'est un biscuit décadent, oui, très sucré. Vraiment un dessert décadent, là, je pense que c'est le mot. Oui, delicious, delicious. Oui, voilà. Tu nous as amené un deuxième produit aussi dans la même petite boîte. Oui, exactement, donc on peut le déballer. Ouh, OK. Donc, on y va, j'étais plus dessert, je filais temps des fêtes. Oh! Donc, on est avec un maïs soufflé à l'érable fait ici au Québec. Tu vois, Frédéric Simon avait apporté tantôt du popcorn caramel et fromage, donc on va changer complètement de goût, mais dans le popcorn quand même. À l'érable? Oui, à l'érable. Ça va être bon, c'est sûr. Je vais l'ouvrir aussi dans le micro magique. Bien sûr. Du moins, je vais essayer. Moi, je vais ouvrir des sacs de même. Allez, allez, oh oui! Tu vas l'avoir. Pas sûr. OK, JP aussi, essaye. Ouais, ça paraît, hein? Qui a plus de talent que Tania pour ouvrir un sac? J'ai lu. Je vais... Je dirais pas que j'ai pris des ciseaux, moi, de mon côté. C'est ça, hein? Tricheur. je vais utiliser les petits verres de shooter de tout à l'heure des gens dans le public, si jamais vous voulez me les apporter. JP aurait dû laisser une paire de ciseaux dans sa boîte. Non, ça aurait été oui, gentil. Au moins, c'est pas des mitaines de four. Ah, vu comme ça, hein? Comme c'est le fameux jeu de Noël de déballer des cadeaux, là. C'est ce qu'on voulait faire avec David Ferron toute la journée. Il met des gants. Des gants de four. Il peut pas se défendre, hein? Il peut pas se défendre. Donc, c'est la distribution, Alex. Merci, Alex. Trop gentil. Donc, Alex Marchand, président de la GE, est en train de faire la distribution des popcorns dans le public. On est toute une équipe aujourd'hui pour réussir à faire tout ça. Tout le monde est prêt? On semble avoir quelques complications du côté d'Alex à distribuer la chose. Alex Marchand a son verre de autour café. De la bouche. Alex, faut pas que tu t'oublies, hein? Bon, OK. C'est le moment, tout le monde. Okay. On goûte. Très bon! Alex Marchand fait une petite... il a lancé son popcorn dans les airs puis il l'a attrapé, il est bon. Oh, pas vrai? Ah bon, une échappée à terre. On goûte vraiment le goût de l'érable. Ouais. Excellent. C'est excellent. David, tour de foule. Oui. Caroline? C'est bon. Mais... Oh, mais je suis très difficile sur les produits d'érable. Martin de retour! Oui. Mais Caroline, t'as l'air sélective sur pas mal de choses, en tout cas. Alex Marchand? C'est une blague. Non, mais c'est une fille de classe. Elle a besoin de quelque chose de sophistiqué. Oui. Ça paraît. Demande-lui. Non? On est rendu comme ça au troisième cycle. C'est plus fancy. Et sur son piédestal, le troisième cycle. Alex Marchand, qui lui est encore plus haut que le troisième cycle, est à la présidence de la GE. Non, mais je suis premier cycle, mais je suis président de ce jeu. Fait que je suis l'équivalent de deuxième cycle. Ah, ok. Ça s'équivaut. Ça s'annule, en fait, rien du tout. Ben, il est en administration. On s'en fout. C'est une blague, Alex. Oh, c'est correct. Viens, ben, moi, j'aime bien l'érable sur le dessus qui rend le popcorn craquant. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. C'est vrai. Martin, on n'a pas eu. Il y en a eu. OK, Martin, oui. Je suis de retour. Non, mais c'était excellent, le popcorn. J'ai bien aimé. Merci, Martin. Merci, Martin, dit Jean-Philippe. Frédéric? C'était très bon. Ouais. Écoute, on est gâtés ce matin. Rien de négatif à dire. Rien, ouais, non. Absolument pas. Ce popcorn rien est négatif. Est moi, de mon côté, je sais pas si c'est. C'est à mon tour. Oui, vas-y, dis-moi. On dirait qu'après, le gâteau, c'est. C'est sucre sur sucre. On dirait que j'ai perdu un peu le goût de l'érable. OK. C'était subtil. Mais j'ai bien aimé ça. Le côté craquant, là, c'était son meilleur côté à ce popcorn. Ah, tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps de Jean-Philippe. Il est tellement craquant. Ah, voilà. Merci pour tes deux produits. Merci d'avoir participé à l'émission par téléphone quand même. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras être avec nous en studio. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne continuez à bien manger. Je veux dire, et bonne fête aussi. Oui, merci, c'est très gentil. Est-ce que le public au complet peut chanter bonne fête à Jean-Philippe? Oui. Ok, attention. Je vais aller pour ça. Oui, un, deux, trois. Bonne fête, Jean-JP, Philippe, JP. Bonne fête, JP. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, JP. Jean-Philippe apprécie énormément, ça paraît. Merci Jean-Philippe, bonne fête. Ça fait plaisir, vous viendrez voir mes posters de musique. Moi, j'ai pas de posters de série, mais j'ai des posters de musique dans mon bureau, vous viendrez me voir. OK, on va venir te voir pour voir les posters de musique dans le bureau de Jean-Philippe. Alex Marchand, voilà. Il te bat, pour ça, il y en a plus que toi, il y en a plus que 5. Je pense qu'il y en a plus que 5. Il y en a combien? C'est comme ça. Il y en a une bonne vingtaine. Ah ouais, facile. Ouais. Toutes les shows cachés, tout ça. Bref, merci Jean-Philippe pour te laisser partir, mais profite de ton des fêtes. Vous autres aussi. Salut. Bye. Jean-Philippe Charbonneau, président directeur général de CIFU 89.fm et le journal Zone Campus. Le temps file déjà. Il nous reste seulement une quinzaine de minutes. Donc, on écoute une chronique de Alfalfa. Après ça, on a Caroline Rouillard ainsi que David Ferron dans la dernière partie de l'émission. Mais pour l'instant, c'est le cinquième numéro d'Alfalfa et son lutin faux campus. Bonjour. C'est Alfalfa du royaume du Père Noël. Oh, le temps des fêtes achève déjà. Ok, vous avez pas fait vos cadeaux? Vous avez rien acheté? Oh là là, oh que je suis content. Voici un conseil de jeu de société à offrir en famille. Oh là là, écoutez bien. C'est un jeu qui se joue avec les amis plus jeunes et les amis plus vieux. Qui demande beaucoup, beaucoup de rapidité d'esprit, les amis. OK. il y a plusieurs petits jeux comme celui-là. Il se vend en plusieurs thématiques et en plusieurs formats. Ça s'appelle Jungle Speed. Le mot speed veut dire rapidité et jungle veut dire jungle. Parce que quand on joue à ce jeu-là, il faut pas jouer avec des amis qui sont trop robustes. Parce que ça peut vraiment devenir comme la jungle. Moi, par exemple, au royaume du Père Noël, j'ai vu Arabesque se casser un doigt. Elle s'est fait piler sur la main. Et par neige, ben oui, neige a pilé sur la main à Arabesque. Mais c'est pas grave. Je vous explique parce que c'est quand même un jeu très très drôle. Donc, ça va comme si. Il y a au milieu de la table ou de l'espace de jeu prédéterminé, exemple un cercle de chaises, au milieu il y aurait une petite table. Donc tout le monde est assis autour avec des chaises et au milieu il y aurait une petite table sur laquelle on dépose un petit totem de bois qui fait penser à la forme de sablier. On dépose ça là et tous les amis possèdent des cartes qui sont face vers le sol. Ils déposent leurs cartes sur le sol et les virent face aux amis. Si moi et un autre ami avons le même logo identique, sachez que les logos sont très, très, très ressemblants et c'est très, très, très difficile de les différencier. C'est pour ça que le jeu est un peu plus corsé. Si les mêmes logos sont identiques, je dois courir au milieu et ramasser le totem. Celui qui ramasse le totem en premier remporte et donne toutes ses cartes qui sont maintenant face vers le ciel à ses amis. Le but est de vider toutes ses cartes. Cependant, il y a plusieurs cartes spéciales. Voici une d'entre elles, par exemple. Il modifie la façon de jouer. Lorsqu'elle est virée et qu'elle regarde et qu'on peut la voir, elle est face vers le ciel et qu'elle est visible, cette carte change ce que nous devons observer. Maintenant, ce sont, mettons, les couleurs qui comptent. Ou ce sont le nombre de points. Ou plusieurs autres. Et lorsque la couleur est identique, et je dois ramasser le totem. Lorsque cette carte se ramasse, donc, plus visible puisqu'elle est ensevelie sur une autre carte, la partie redevient donc au même jeu qu'au début. Faire attention, lorsque la carte est ensevelie, vous avez le même logo qu'un ami et pas de la même couleur, il devient donc actif. Vous devez donc courir le plus vite possible et ramasser le totem. Par exemple, Jungle Speed demande peut-être un petit niveau d'attention qui est peut-être plus difficile pour les plus jeunes. Un enfant de 7 ou 8 ans peut y jouer. Si vous avez pris quelques verres, pas des verres de terre bien sûr, des verres avec du pétillant dedans, ok? Il faut pas jouer à ce jeu-là parce que ça se peut que vous sentiez pas la douleur quand que vous allez vous chicaner avec un ami pour le totem de bois. Et si vous cognez la tête sur le coin de la table, c'est pas vraiment mieux. Et c'est un peu comme ça que Arabesque s'est brisé le doigt. Ok, et ça le Père Noël doit pas le savoir, donc ça doit rester entre nous, ok? Et Jungle Speed est un jeu qui se vend autour d'une vingtaine de dollars. Il est sûrement disponible dans votre coin, mais par exemple, faites vite, il part vraiment vite. Par exemple, conseil de lutin, je devrais pas dire ça, le Père Noël van tanner. Le Jungle Speed électrique est plus ou moins adapté à la clientèle québécoise, parce qu'il demande de l'électricité, dans le temps des fêtes, avec les breuvages et tout, c'est souvent très difficile d'y jouer, et ça peut porter à confusion, et l'électricité et l'eau, c'est pas les meilleurs amis. Je vous conseille plutôt les Jungle Speed de table, de bois directement, et les Jungle Speed à thématique spéciale. Peut-être qu'il y en aura un de Noël cette année. J'ai pas encore vu toutes les thématiques qui sont sorties. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Et si vous avez pas encore fait vos cadeaux, n'hésitez pas. Achetez plein de jeux de société. Les lutins, on aime ça en fabriquer. On l'aime donc, c'est Alfalfa qui est donc drôle. Toujours en train de parler de petites coquinerie, non? Un petit peu d'alcool. Juste un petit peu. C'était le jeu Jungle Speed. Frédéric Simon nous dit que c'est bien violent comme jeu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Prenez garde à vos mains quand vous jouez à ça. Les jointures. En fait, c'est le premier rendu au totem dans le milieu. Donc, oui, voilà. Cool. Alfalfa, c'était sa dernière chronique, la numéro 5. On les a entendus les 5 aujourd'hui. On va revenir avec ça, peut-être pas avec ça, mais avec Alfalfa en janvier, probablement en direct en studio. Donc, surveillez ça à Assemblage Requis en 2017. Maintenant, il nous reste seulement 2 personnes, donc 2 produits à goûter. J'inviterai Caroline Rouillard à venir prendre place sur notre belle table et notre chaise principale. Oh, je la vois arriver avec son petit pot! Attention, petit pot! Hein? Bonjour, Caroline! Ça va bien? Oui, présidente du conseil d'administration du GME, le groupe des médias étudiants de l'UQTR, n'est-ce pas? Oui. Anciennement présidente de la GEQTR aussi. Oui. Tout le temps des postes haut placés, une personne qui mérite tout le respect du monde. Exactement. Qui nous a donné de joyeuses belles cartes. Oui, et des petits chocolats qu'on va manger tantôt. Bref, Caroline, tu nous as apporté quelque chose à goûter toute l'équipe. Oui, en fait, ça s'inscrit dans la lignée de ce que je vous ai donné hier. C'est absolument pas de la malbouffe. C'est de la gelée d'érable. Oh. Donc, on l'a jamais goûté et en plus, ça se procure facilement. Exactement. Très facilement parce que c'est ma maman qui l'a fait. Ah, mais ça se trouve aussi dans certains magasins. Ah, oh, c'est le fun. Puis, je vous dis que c'est absolument pas de la malbouffe parce que du sirop d'érable, c'est du sirop d'érable bio. Oui. Du sirop d'érable, on le sait, c'est super bon pour la santé. Ça contient plein d'antioxydants. Puis, comme autre ingrédient, ben, il y a de l'eau et de l'agar-agar qui est de l'algue. Alors, c'est plein de calcium aussi. Mais c'est sucré. C'est très bon. J'ai très hâte de goûter ça. Alors, on va t'inviter à ouvrir le pot dans le micro magique. Oh, ça a fait un beau son. Ouais. Ploup! Ploup. Je vous donne ça dans des petites cuillères. Ah oui, c'est gentil. En fait, je pense qu'on a tous, David, merci. Si tu peux ramener tout le monde a ses petits copes, je pense. Tout le monde peut aller faire la file devant. Ah ben. Ah, tiens, je vais prendre la cuillère directement. Ça, c'est la tienne, Mathieu. Merci beaucoup. Ça ressemble à de la, de la gelée. Ça sent bon. Ça, ben, c'est de la gelée, c'est Mathieu. C'est de la gelée? Non, j'avais pas entendu le mot gelée. C'est de la gelée d'érable, mais ça sent la tire d'érable. Oh, c'est fabuleux comme odeur. Fait que finalement, de la gelée, tu peux mettre ça sur tes toasts. Ouais. Oui, dans ton yogourt, avec des fromages aussi, c'est super. Ah ouais, un petit mélange sucré salé. Des terrines aussi, ça fait des super entrées. Là. Quand on est reçu, on souvent apporte baguette et un fromage, mais d'ajouter ça, ça donne vraiment un petit peu de brie. Martin, lui, il n'y a pas de cuillère. Mais... Martin, lui, il va prendre le pot à la fin. Tout le monde a sa portion? Tout le monde est prêt? OK. Est-ce que tout le monde est prêt à goûter? Mais moi, j'en ai pas. Il reste Caroline! Mais j'ai déjà goûté, là. Ouais, c'est ça. Tu connais ça. C'est le produit de ta mère. C'est quoi le nom de la compagnie? Casséal. Casséal? Ouais. Est-ce que tu peux nous l'épeler? C-A pour Caroline, S-E accent aigu pour Sébastien et A-L pour Alexandre. Tu vois? Devinerais que j'ai deux frères. Et ça se trouve où? À Trois-Rivières, il y en a au Jardin du coin, puis ça s'achète en ligne aussi. Oh, wow! Cool. Donc, super facile à trouver. Ben, voilà, tu vois. On adore ça. OK, là, avant que ça... tout le monde. Avant que ça fonde. Ah, l'érable, c'est la meilleure saveur au monde. Ah, c'est parfait. Je suis pas une grande fervente du goût de l'érable dans la vie, là, mais c'est excellent. J'en mangerais 1000 ça de suite. Toi, tu passeras au travers du pot dans 3 secondes. Ouais, puis genre, je le mettrais sur de la neige, même si ça pogne pas avec, juste pour avoir une botte de neige avec ça. Ça fit avec, je trouve. Juste avoir un petit bâton de bois. Ah, c'est très bon. J'adore. Merci, Caroline. Plaisir. Un succès encore. Tout le monde, je pense que tous les produits tout à date... Tout le monde a été... Mais les gens, ça paraît, ont choisi des produits qui allaient avoir du succès, je pense. Et vous, de prendre des produits, n'importe quel produit, comme on fait d'habitude à l'émission. Donc, merci encore une fois, Caroline Rouillard, et on te retrouve peut-être éventuellement. C'est fou, à un moment donné, tu peux faire ce que tu veux. Parfait. Génial. Maintenant, il nous reste seulement David Ferron. Donc, David qui va venir prendre place, lâcher son public qui va je être... Je pense qu'il faut conserver les cuillères, hein? Oui, on a oublié de prendre l'opinion des gens. Tiens, Alex, tu vas prendre la place de David pendant qu'il va s'asseoir. Donc, Alex demande l'opinion de nos fabuleux, de notre fabuleux public. Ben, j'imagine qu'avec du fromage, oui, ça doit être vraiment bon. Ben, d'habitude, mettons la tire des rangs, on prend ça en petite quantité parce que c'est tellement sucré, mais ça, ça a une petite saveur légère un peu. Ah, c'est comme sucré, hein? C'est très bon, oui. Rafraîchissant tout en étant sucré. Effectivement, mais c'est pas trop sucré non plus. On n'est pas dans la tire d'érable nécessairement, mais on est quand même dans le goût de l'érable, donc c'est ça qui est le fun aussi. Tu peux en glisser dans ton café, ça aussi. Oh oui! Martin Lambert, il nous reste. Martin, sinon on peut y poutiner. Non, j'ai Alex, je vais rien enlever à ta poutine enrobée de... mais c'est vraiment meilleur. C'est le meilleur produit ce matin en ce qui me concerne. Mais c'est drôle pour toi parce que Martin, t'as excellent. C'est excellent de la part de David. C'est drôle parce que Martin tantôt disait qu'il préférait le salé au sucré dans la vie. Puis là, ils viennent de déclarer ça son produit de la journée. Bon, tu vois, Caroline, tu peux ramener ces commentaires-là à ta mère. Tout le monde a adoré son produit. On avait tout. Casséal. Oui, c'est ça. Voilà, merci, Caroline. Maintenant, il reste seulement David. David qui va venir prendre place à notre table. Donc, petit changement de virement de chaise. David a amené. Oh non, c'est vrai que David, je m'excuse, David va rester là-bas parce que c'est apparemment très, très. Salissant et lourd. Ouais. Et tu sais, ça me rappelle un peu, genre, tu sais, dans les films, là, t'as tout le temps, genre, quelqu'un qui déboule les marches avec un gâteau, puis ça finit par. quelqu'un. Puis, ouais, c'est ça. Tassez-vous, tout le monde, tassez-vous bien. On est en train de faire de la place présentement à David sur la table de où sont les produits de tout le monde pour justement pouvoir y aller plus facilement. OK. Et David, tu peux venir, en fait, nous le présenter, puis après ça, le déballer. Bonne idée. David Ferron, bonjour. Bonjour. Premièrement, merci d'avoir fait notre animateur de foule aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir d'être dans la peau d'Éric Salvaire. Ça, très bien. Oui, pas trop profond. Il l'a dit, quel gag. Donc, aujourd'hui, tu nous as fait un dessert pour terminer l'émission. Ouais, exactement. Je suis désolé, Caroline, mais toutes les vertus santé de ce que tu nous as présenté, je vais scraper tout ça. Je suis vraiment désolé, mais oui, c'est comme... Il y a comme 20$ de shortening là-dedans. Toi, David, quand tu te donnes sur un méchantant 20$ de matériel. J'ai vu ta photo passer, il y a tout là-dedans. Là. Ouais. Est-ce que je présente tout de suite ou je laisse goûter puis je dis qu'est-ce qu'il y a dedans après? Apparemment qu'on pourrait sortir d'ici en faisant du diabète si on n'en fait pas déjà. Okay? J'ai déjà mal au ventre. On va voir. Je sais pas si ça va être bon tout ce mélange-là, mais j'appelais ça volcan diabétique. Okay. Volcan diabétique, j'ai hâte de voir ça. Ça s'annonce très bien. C'est comme tu veux nous faire goûter en premier ou si tu veux parler de ton produit, tu y vas comme ça tente. Je vais faire goûter, mais c'est pas beau. Je vous avertis, okay. C'est pas beau. Ouais. T'as pas fait ça pour l'apparence de la chose, t'as fait ça pour le contenu. Ouais, exactement. C'est comme ton émission L'Homme Trotter, les mercredis. Là, va chercher ton produit. La musique est très savoureuse pour les tympans. L'Homme Trotter, c'est les mercredis à 19h sur nos ondes. Ça change de cas horaire pour les jeudis à 16h. À partir du mois de janvier, jeudi à 16h, c'est bien ça? 16h, oui. Donc, je crois qu'on déballe avec Alex Marchand sur le terrain. Oh mon Dieu, OK. C'est... Beaucoup de papier d'aluminium là-dessus. Hein. Beaucoup de papier d'aluminium, mais beaucoup de crème aussi. Je semble voir des whippets. OK. Je me rappelle, j'ai vu la photo, je crois que t'as raison, il y a des whippets là-dedans. OK, je vais prendre une petite photo pour la page Facebook d'assemblage requis. Oh my God, dit Véronique Mire. Ça a l'air de faire là, tellement de chiards sur la table. Une chance qu'on a une table additionnelle pour ne pas faire de dégâts ici dedans. Hein? Oh boy! Un autre up boy! C'est si pire que ça, je vois pas d'ici. Oui, c'est c'est si pire que ça. Que ça. Oh. Oh, wow! Ah, oh, non, mais il y a tout. Ah, oh, c'est. Ah! Ok, on va décrire. Donc, il y a vraiment un espèce de gros gâteau avec du crémage par-dessus, plein de. Je sais pas si c'est des coupures de quelque chose, des copules? Des whippets après ça par-dessus. Il y a des whippets tout le tour dans une grande, grande assiette. C'est vraiment une grosse monstruosité. Ben ça, je trouve qu'il manque de quoi. Oh, OK, c'est bon. Là, c'est complet. Qu'est-ce que t'as fait, Alex Marchand a rajouté ses petites crottes de poutine. Ah, wow. Shotgun une pointe avec la poutine. Ouais. Hein. David a déjà les mains toutes sales et il n'a pas encore goûté à son produit. C'est fabuleux. Ça semble vraiment décadent, là. Ouais. Ça a aucun sens. Comment est-ce qu'on distribue ça dans les 3-4 minutes qui nous restent, David? J'ai bien hâte de voir comment on va réussir à se rendre à ça. Pour le troisième jour de suite, on va buster. On peut pas buster tant que ça aujourd'hui. Ah non, il y a une autre émission après. Oui, exact. Ah ben là. Est-ce qu'on se lance dedans? On pourrait à la limite y aller avec nos mains. Ah oui, bonne idée. C'est une blague. Va falloir qu'on en mange un petit bout, là. Vraiment, là, genre, donne un minuscule bout, là, puis les gens vont se partager ça. On a 3 minutes. Top chrono. Pendant ce temps-là, Tania, on peut dire... Oui! On peut tout de suite remercier les gens qui ont participé à l'émission aujourd'hui. À part ceux qui sont encore en studio, on parle de Frédéric Simon, Alex Marchand, Véronique Mire, Martin Lambert, Caroline Rouillard, qui nous a quittés depuis tout à l'heure, Denis Baudin. Denis Baudin. Qui d'autre? Martin est parti puis il est revenu, mais là, ouais, il est là. Non, c'est ça. Jean-Philippe. Charbonneau, bien sûr. Toi, Talia. Oui, toi aussi, Mathieu. Oui, on a eu beaucoup de plaisir et on va refaire ça. D'après moi, je sais pas si je veux m'engager à faire ça une fois par session, peut-être, ça pourrait être bien. Donc, on a déjà commencé à avoir des gens en studio. On peut commencer à goûter déjà de ce côté-là pour prendre vos opinions le plus rapidement possible. Fred, est-ce que t'as goûté? Fred, il... C'est du sucre. Il a déjà l'air en crise d'hyperglycémie. J'ai une demi-cuillerée de prix déjà. Puis c'est ça, hein? Il y en a beaucoup. Dans le fond, dans les trois critères là, qu'on rappelle, facile à faire, c'est pas ça. Je pense que David qui a choisi. Il a choisi malbouffe et qu'on n'a jamais goûté. En fait, Mathieu, je pense que le troisième critère de malsain remplit les trois critères à lui seul. Okay. C'est ça. Ça fait assez de pointage sur ton taux de sucre dans le sang, je pense. Ben moi, j'aime bien tous les goûts naturels de chocolat, de gras, de crémage, oui. De pépites. David, c'est bien correct, j'en ai en masse. Il a tellement fait une grosse portion. Merci. Pour pouvoir en avoir pour le reste de la période des fêtes. Tout le monde va pouvoir en ramener. David, les je veux rien enlever aux poutines nuggets de Mathieu. Mais les poutines nuggets sont meilleures. Mais je félicite et je salue ton travail, par exemple. David, bravo, beaucoup d'accomplissements. T'sais, après ça, nous, on veut savoir combien de temps est-ce que ça t'a pris le faire? Au moins une heure. Une heure, au moins. Il a fait ça comme un grand, sauf le partager. Ça, il a fait moins ça comme un grand. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va passer durant le temps des fêtes en studio pour faire le ménage au moins. Ben, ce qui est le fun, c'est que l'émission après nous va être préenregistrée, donc on va pouvoir faire le ménage pendant. C'est ça. Ok, donc on doit goûter en quelques secondes à peine. Ça va être. Vous pouvez goûter les autres. Caroline, t'as goûté? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? J'ai un overdose de sucre. Je sais pas tout ce qu'il y a là-dedans. Des jujubes, du caramel, une tonne de crémage. J'ai pas de Whippets, heureusement. Pas de Whippets, je pense que ça rentre pas dans les petits cups pantoute. Qui d'autre veut donner son avis? Moi, j'ai pas goûté encore. Je peux pas faire grand-chose. J'ai passé au travers du crémage pour aller chercher un bout de gâteau. Ouais. Et c'est ça, là, je pense que je viens d'être réveillé juste avec merci. Ça. Merci, David. OK, je vais m'en prendre juste le dessus de la bouchée. Là. C'est vraiment très décadent, là. Ça goûte énormément, Tania, comme à la cafétéria. Là, tu sais, le restant de gâteau, quand ils mettent tous les gâteaux qui restent, puis là, ça goûte la confiture. Là. C'est ça que ça goûte. Il manque juste la confiture, en fait, dans celui-là. Ouais, très bon. David, beau travail. On va mettre les photos sur assemblagerequis.com. Nous, on doit terminer l'émission. Encore une fois, merci à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Merci beaucoup, Tania Baudin. Merci, David Ferron, pour ton aide dans le public. À Alex Marchand aussi, à la fin. Merci. Merci à tout le monde. Et le chandail à Véronique qui fait du bruit. Oui, le petit gueling-gueling de Grélo. Et on se retrouve une autre fois pour une autre portion de ce potluck d'une grosse pointe en dresse. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Et joyeuse fête. Et bon café. Bon café. Oh, la dernière fois de la on mange bouche pleine, on part bouche pleine, on part bouche pleine, on part bouche pleine. Bonne fête, JP! Bonne fête, JP! Joyeuse fête!